Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Tellement forte la musique. Tellement forte la musique. Mais là c'est du montage, déjà, ah, okay. Ça me rend pas compte. Je suis très heureux de vous recevoir. Ok. Allez okay. C'est le 25 décembre. Ok. Les cadeaux. C'est le podcast de Noël. C'est Laurent Bernard, Adrien Méniel. C'est le podcast de Noël. Pierre Lapin et ses grandes oreilles. C'est le podcast de Noël. C'est la fin de 2023. C'est le podcast de Noël. Une année horrible comme à chaque fois. C'est Jordi ? Ah non. C'est Jordi. Oh c'est Jordi qui chantait c'est anglais à la perfection. Écoutez-moi ça. Pour moi, on est du niveau de Jeanne Calment. En termes de on aurait aimé du duo. Bah, comment Jeanne Calment chanterait Noël, par exemple ? Joyeux Noël, les amis ! Et ça, c'est la parole de ce maintenant avec les petits tags. Soyez-vous que je connais la gloire. Mais madame Jeanne, c'est Noël ! Oui. Je déteste cette fête commerciale de con. Vous venez du sud un peu, madame Calment. Avec les jolis figuiers dans les oreilles. Dansez la tenaille, bande de con. Waouh, elle est remontée. Ouais, là, cette fin d'année, elle est dure, hein, Jeanne. Je suis fatigué de 2023. Hey, calmez-vous, Jeanne. Oh. Bien joué, Adrien. Bien. Tu sais que je suis tombé sur un striptease avec Jeanne Calment. Oula, ah oui. Non, pas. Ouais, ouais, ouais. Non, l'émission striptease. Bah après, on body shame pas, mais. Non, bah, attends. Ça reste Jeanne Calment tout de même. C'est vraiment. Mais l'émission striptease sur Jeanne Calment, elle est horrible. Tu vois vraiment l'entourage, enfin, tout ce qu'on imagine. Attends, ils ont fait un striptease ouais, sur elle. Ouais. Putain, elle est dans une maison de retraite et t'as vraiment des meufs qui sont au téléphone et qui font. Bon, si vous voulez parler à Madame Calment, c'est tant d'argent et tout. Enfin, c'est vraiment, tu vois, ah tout ouais, le truc horrible. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Bon, on a divagué tout de suite, mais bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast qui sort le pile le 25 décembre. C'est trop beau. C'est vrai ? Ouais. Eh, vous êtes plutôt le cadeau le 24 au soir ou le 25 au matin ? Alors, moi, c'est vrai que j'étais plutôt 24 au soir, mais depuis que j'ai un bébé, je suis un petit peu plus 24 allez. Au matin. Non, ah ouais ? Bah oui, parce que le petit bébé, il ouvre avec toi et ça qui est... Ah, bah oui, parce qu'il dort le soir. Eh hein, ouais, ça se couche tôt, un bébé, tu sais. Bah, enfin, quand ça fait ses nuits, tu sais. Tu m'étonnes. Souvent. Comme à l'accoutumée sur ces épisodes de fin d'année, nous sommes avec Pierre Lapin. Bonsoir. Ouais quel plaisir de revenir. Pierre Lapin de Pardon GPT. Bah oui, parce que voilà, il est podcasteur, le succès de l'année. Exact. Il ah faut bon, ouais, oh, je sais pas. Si, Pierre. Je sais pas. Y a quand si même... tu fais le modèle, je te mets une droite. Donc Ok, podcast de l'année, vraiment. On a été le top 1% de 200 personnes. Pas ce mal. Qui est énorme. C'est pour énorme. Une première ouais. année. Mais il y a des gens, tu penses qu'il y a des gens qui. Parce que là, moi, j'ai vu un gars. Qui m'a envoyé une capture, et d'ailleurs merci, hein, vous envoyez souvent les trucs, ça fait plaisir, mais c'est fou. 100 000 heures ouais. d'écoute. Ah bah, bah là... Il y a eu plus que ça, j'ai vu, je crois. Hein. Ouais, enfin, il y a des gens, si tu fais le calcul, ça fait genre 75 jours ou 100 jours. La maladie mentale, quoi. Mais en fait, tu le fais même exprès. Enfin, pour moi, c'est ils l'ont laissé tourner pour dire, et à la fin de l'année, je sais pas. Quand même, ça fait vraiment une déterre de fou sur toute alors, l'année. Tu le fais tu le laisses en, en fond tout le temps. Bah, je sais pas. Peut-être il y a des gens, ils écoutent ça au taf toute la journée. Je trouve que 75 jours non-stop. Non mais non-stop. Peut-être il s'endort avec. Qu'est-ce que tu racontes non-stop? Bah il y a écrit tendeur pour une personne. Oui mais c'est tendeur au total, c'est pas bien non-stop. Bien sûr. Ce que je veux dire c'est que si le principe du mot non-stop. J'ai compris. Il veut m'humilier. Non mais t'es un politicien, moi je te remets. Pardon, il a posé toutes les questions. Ça fait 75 jours d'une journée de 24 heures. Donc tu divises par deux s'il écoute de 8h à 20h. Je dis n'importe quoi. Donc du coup ça fait 140 jours. Donc là on est déjà à la quasiment la moitié de l'année. Tu te rends compte de ce que je dis? Bah oui mais ça me paraît énorme. Je peux vous dire mieux. Je pense qu'il s'endort avec. Peut-être qu'il s'endort peut-être, avec. Peut-être mais ça reste énorme. Peut-être qu'il écoute. Bah oui mais peut-être qu'on est top aussi. C'est ah mais allez. Ça m'était pas passé par l'esprit. Bah oui, ouais. Bah, on a la soluce. Peut-être ça. Bon en tout cas voilà, ça fait super plaisir de vous recevoir pour cette fin d'année. Ouais. Quelle année. C'est chill. Sacré c'est année. Chill. Oh là ah bah si les épisodes chill. Non mais il faut le dire. D'ailleurs, c'est tellement chill. Deux petits trucs que je voulais dire aux auditeurs en commençant tout de suite. Les Doritos n'ont pas sorti une gamme qui fait pas de bruit. Oui, c'est voilà, un logiciel. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, j'ai propagé cette fake news. Je vous présente mes excuses. Voilà. Et j'ai failli le dire la dernière fois, j'ai oublié. Je m'étais dit, ah, faut que je. Faut que tu corriges Florent. Faut que je pense à quoi. Non, mais parce que je me. Pourtant, personne ne m'a envoyé de. Parce que des fois, ouais, il m'envoie des messages. Non, moi, j'en ai reçu beaucoup. Je suis pour rien. J'en ai reçu beaucoup. Et il est possible qu'Éric Judor ait mangé une ou deux chips dans un des derniers épisodes. C'est vrai. Il est possible, peut-être, que Baptiste Le Caplain, ça l'a rendu fou, peut-être. Ah, mais attends, ça, je peux le faire écouter. Attendez, peux faire écouter le message. Voilà. C'est vrai que c'était non-stop. Mais ce qui est bien, c'est que ça a effacé. Mon truc anti-stress là, mon fidget toy là, parce qu'il m'a envoyé, je t'ai pas dit, il m'a aussi envoyé un audio pour me dire bon, je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Il reste fou tout de même. Attendez, après, il y a le montage. Ah, il y a du montage. C'est hein. podcasteur maintenant, mais vraiment, c'est fou ça, j'ai appris toutes les ficelles. À casse bientôt un contrat. Est-ce qu'on a les pré-roll, les mid-roll, je ne sais pas. J'ai travaillé chez un fabricant de string. J'ai appris toutes les ficelles. Oh, est-ce que tu connais la couleur de mon string? String color. Faites-la rougir. C'était vraiment quoi, Alain ça Souchon. Non, string color. C'est des string color. Ouais. Ouais. Ouais. D'Alain Souchon, bien sûr. Ouais, string color d'Alain Souchon. Ouais. String color. Il y a des Kim Kardashian. Il y a des petits gars bien chiants. Non, c'est trop rap. Trop rappeur pour. Attends, t'es trop hip hop. C'est trop multisyllabique pour Souchon. Mais putain, mais tu vas lui dire à Judor d'arrêter de bouffer des chips. Putain, 1h10 de chips. Avec les Dalton de merde là. Voilà, bon, il était remonté. Voilà. Il était un peu remonté. C'est légitime. Donc, sachez les auditeurs, vous avez été représenté par Baptiste Le Caplain auprès de mon oreille. Après, je lui ai fait 3-4 remarques. Hein. Il a continué. Il s'en battait les reins. Clairement. De nous et des chips. Voilà. Et de vous. Et je profite, après, on passe vraiment à l'épisode, mais je fais des gros bisous à Sylvain Cato. Parce qu'il nous a envoyé plein de news cette année. Moi, il m'a beaucoup aidé cette année. Il m'a envoyé des news parce qu'en fait, il bosse pour une émission de radio et donc, du coup, il avait des news sous le coude. Oh, génial, et des fois, il me les partageait. Ben, ça m'a beaucoup aidé cette année à préparer les émissions plus vite et à pouvoir faire d'autres jeux de temps en temps. Bah, trop bien. Donc, et voilà. Merci de ne pas me les avoir envoyés aussi. Parce ouais, que ça, non, c'est non, aussi non, un non, truc. Mais, où... mais c'est quelqu'un qui écoute non, de, mais le oui, podcast depuis longtemps. Sais, et mais... voilà. Bah, donc, qui était Sylvain Cato, qui était auteur de Mac et Carlito à l'époque du Fat Show. Alors, c'est un épisode de fin d'année, c'est un petit peu des marronniers, mais quand même. Il y a un petit jeu du podcast. Ouais. Un petit, oh non, un petit peu, non mais marronnier. Si c'est glacé, c'est vrai. C'est délicieux. Oui, marron glacé, j'adore ça. Google. Eh, oh, je suis pas en pleine forme non plus. Hein. J'ai une rhinopharyngite depuis un mois. Mais ça, c'est dingue. Et franchement, je pense pas du tout que j'ai un cancer, par exemple. Non. Mon esprit n'est pas du tout allé dans cette zone. Déjà, ton esprit mise ailleurs, donc il peut pas penser à ça. Il glisse ailleurs. Ah. Il mise, non, non il mise ou glisse. Attendez, l'esprit de flafflarage. Toi, tu dis quoi? C'est vrai que j'ai longtemps dit mise et je crois que c'est glisse. Ah ouais? Bah mise ailleurs, ça enfin si moi c'est je ça, chantais ça après, quand c'est j'étais plus jeune. C'est mon esprit glisse ailleurs. Moi, c'est glisse ailleurs, c'est putain, j'ai toujours dit mise ailleurs, mais c'est incroyable. Ouais, je suis comme toi, je suis de la même team que toi. Mais merci Pierrot. Bah après, j'ai travaillé dans le rap. Hein. Oui, c'est oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, puis Faflarage, petite trivia. Faflarage est l'homme qui a composé la musique de Alphonse Brown. De c'est vrai, Lyon. C'est vrai. Eh oui. Belle SACEM. Bah voilà. C'est ça. Google, le célèbre site web, vous voyez ce que c'est? Ah ouais, oui, oui, pour rechercher là. Ouais. Qui est souvent mon ami. Oh non, toi t'es con, j'ai trop con de dire ça. A dévoilé le classement des recherches les plus faites en 2023. Alors. La bite. Comment? Non, la plus grosse recherche là, par rapport à la bite, certainement. Non, non, non, pas ça, non. Qu'est-ce que ça la. Mais c'est bien, t'es allé droit à ouais. La question la plus posée en 2023, à votre avis, pardon, c'est quoi? Alors, une question. C'est une question. Je peux vous dire, c'est une définition de. C'est quoi quelque chose? Bah, ça se trouve, qu'est-ce que veut dire Kouakoubé? Alors, pas qu'est-ce que veut dire Kouakoubé. Attends, c'est en France ou. Ah non, c'est France, France, France. Ah, c'est France. Et j'ai même envie de vous dire Cocorico. C'est quoi les crampetés? Non. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en France? Est-ce que ça a un rapport avec les terribles événements récents? Récents, non, mais c'est des événements qui ont marqué l'actu. Moins que. Le Covid? Un truc avec le Covid? Pas le Covid. Qui a gagné LOL qui ressort? Un truc en rapport avec la santé? Pas la santé. Ah. Mais c'est un truc qui a fait l'actu, c'est un truc. Voilà. C'est dans l'entertainment? Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que Hugo aurait décrypté? Ah, Hugo l'a décrypté en fond, en long, en large et en travers. Il adore ça, donc ça m'étonne pas. Ah bah, pour moi, c'est un des trucs qui fait le plus au monde. Arrête de mieux de décrampter. Hugo décrampt. Ouais, c'est ok. Je sais pas. Non, mais j'ai dit que j'étais pas en forme. Hein. Ah, si. Alors, si ça, je suis pas en forme, on va se régaler. Je suis de mauvaise humeur. T'es un diesel, mec, ça va le faire. Est-ce que Darmanin est humain? Alors, ou c'est pas Darmanin pur, mais on est là autour de ça. Darmanin, C'est quoi la réforme des retraites? Ah, t'y es presque. Ah, merde. Pourquoi la réforme des retraites? Non. C'est une définition. C'est ça, c'est, ouais. C'est ouais. Quoi le 49-3? Très bonne réponse, Adrien Méniel. Quel est le 49-3? Tout simplement. Logique, puisqu'on en a eu 22 cette année. C'est ça, t'as envie de savoir ce que c'est. En vrai, après tout, ouais, bien sûr. Quel est le musicien le plus recherché en 2023 sur Google? FR toujours. FR toujours. Okay. En fait, toutes les recherches, c'est pour la France. Hein, que Stéphane je vous donne. FR. Pas Stéphane FR. Ok. Gazo. Ouais. Pas Gazo. Alors, pareil, c'est plutôt par rapport à son actu que par une sortie d'album. C'est-à-dire qu'il a fait un peu l'actu. De façon terrible. Assez terrible. Aïe, aïe, aïe. Mort? Non, pas mort. Ah merde, terrible. Il y a eu quoi? Mais... Oh, MHD? MHD. Ah, ouais. Ah, bah bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ouais. Sachant que le deuxième, c'est Julien Clerc. Oh. Qui a été recherché. Alors son frère est décédé, je crois que c'est ça. Tu sais, c'est un gars, un politicien. Non, mais oui, c'est si, dans un hélicoptère. Un journaliste. Vrai, un journaliste, vrai, pardon, pas un politicien. Ouais. Juliette Armanet, alors elle, pour le coup, c'est juste, elle a sorti un album. Ah, Sardou, mais ah, oui, non, je suis con. Sardou, mais oui, c'est Sardou, putain, mais il est fort. Ouais. Quatrième, Lazara. Bien sûr, l'Eurovision. L'Eurovision, le petit doigt d'honneur. Enfin, le. Évidemment. Évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est Lazara. Toz. Amanda Lear, alors ça je sais pas pourquoi. Bah, est-ce qu'on se demandait si elle était morte ou pas, non? Non. Un moment? Non, je sais pas. Je sais pas. Christine and the Queen. Non, elle était dans Drag Race. Ah, peut-être. Mmh. Oui, oui, c'est ouais, vrai. Christine and the Queen. Serge Lama. Serge Lama qui a sorti une citation récemment en disant Aurel San, c'est le king. Les mots. Ah, mais j'ai adoré. Ouais. J'aime bien. Aurel San, c'est le king. Serge Lama. Pierre de Maher. Voilà, qui est un des artistes. Je connais pas. Les atouts, ça. J'adore la zig, j'ai une émission. Ah oui, mais c'est vrai. J'ai rencontré Laurie. Et... Oh là là. Comment qui t'as... est la sœurette d'Adrien, donc ça l'impressionne pas. Bah, mais j'ai son 06, mais c'est pas non plus. Ah oui, c'est vrai, voilà, vous connaissez des gens dans ce game, quoi, en fait. Ah bah Laurie. Ça s'est bien passé avec Laurie? Je vais être très ému. J'étais un petit peu. C'était, dans... c'était sur Twitch, il faut Twitch, le dire, sur LaserDisc. 3h30 d'émission, et pile poil avant que Laurie arrive, à savoir le main event, on me dit à l'oreillette, il faut se presser. Donc j'étais genre. Cool. Mais non, j'ai voulu saisir l'opportunité de poser des petites questions. C'était très, très court, mais on a eu un beau moment aussi parce qu'on a invité Nala, qui est une streameuse, artiste, et... ouais, ouais. Chanteuse, et qui a fait un très beau moment, une très belle reprise de Toute Seule. Donc on a eu ce beau moment. Trop bien. Un peu taratatouille, ouais. Et pas cringe. Mais t'es Nagui en fait. Exactement. C'est ça, te dire. Nagui. T'es Nagui. Ouais. Que je t'attrape pas à oublier les paroles, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ça ah, il peut devenir fou. Est-ce que ça te dérange si je prends ta place? Je te demande ça comme ça. Bah, tout le monde que... peut le tout faire. Tout le monde. Tant que t'oublies pas ta brosse à dents. Ça va. Oh, bien sûr. Oh mais non, mais quoi? Téléthon. Ah oui. On aurait dû aller, oui, au plus évident. Ouais, voilà. Tu vois, c'est là où on est. Ouais. On est des très bons auteurs. La première vanne, on n'est pas allé dessus. Le film le plus recherché en 2023. Attends, le buzz. Et je suis sûr que ça. Anatomie d'une chute. Non, il est même pas dans le top 5. Normal, c'est bien. je dis ça, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu que du bien de ce film. Très bon film. Un banger pour moi. Ouais. Alors attends, est-ce qu'un truc qui est fatalement a fait le buzz aussi par les à côté, est-ce qu'il y a pas Aquaman 2? Alors non. Papa, ça a fait le buzz effectivement, mais sur le web. Pas pour un fait divers ou un truc comme ça. Attends, okay. Pensez, qu'est-ce qui a fait le buzz dans le Cinoche cette année? Bah des cancels, enfin, des non, ok, pardon, je reformule. Qu'est-ce qu'il a, un film dont la promotion a fait le buzz? Je parle d'un film. Un film français? Pas français du tout. Ah bon? Ah oui, non, pardon, c'est les recherches françaises, mais c'est. Oui, bien sûr. La promo a fait le buzz. Pierre, tu me surprends. Ah oui, toi, mais attends, qui adore Twitter. J'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des mèmes? Il y a eu 1 milliard de mèmes. Barbieheimer, Oppenheimer. Ah, Oppenheimer. Oui, bien sûr. Premier Oppenheimer, deuxième Barbie, troisième Avatar 2, quatrième Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ouais. Et ensuite Creed 3. Et vous avez vu qu'ils vont faire un film Barbieheimer? Ouais. Ah, c'est vrai ou? Oui. Oh là là. Oui, mais en fait, c'est une petite boîte de comme prod pourrie. Enfin, tu vois, c'est oui, pour la blague. C'est un fan film limite. Ouais, c'est ça. C'est pour l'argent, mais c'est pas non plus des gros studios qui ont décidé de faire ça. Donc c'est un peu plus touchant. Pas tant vraiment. Ah ouais, touchant non. Non. Ouais, moi j'ai pleuré. Ah ouais, moi je suis un mec sensible. Hein. Attention, okay, en ce moment la vie je la trouve un peu dure. Hein. Ouais, depuis que t'es un gamin, de toute façon. Bon, moi je suis. Pour les films. La série la plus recherchée en 2023. Il n'y a pas Wednesday. Non, alors il n'y a pas Wednesday, c'est la série. Ouais, Squid Games. Pas Squid Games. Une série, attends. C'est une série pareil, entendu beaucoup parler. Mais oui. Merde. Succession. C'est... Non, une adaptation. Non. C'est une adaptation d'un truc. La flamme. Non. Bah, Pierre. C'est le chill, mec. Ouais, mais attends, il y a chill et chill. On a pas le droit de manger des chips, on a pas le droit de rôter à la gueule des gens non plus. C'est pour Baptiste. Mais oui, Tomer Schilsley. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je comprends. Attends, merde, non, une série, mais si, putain. Ah, c'est chaud. White Lotus. Non, pas White Lotus. Qui est, moi, je trouve pas si bien. Voilà. Ah, oh là, t'as pas aimé non plus. Ben voilà. Oh là là. Pourtant, ça critique les riches, et vous là, de gauche. Mais non, mais ça devient comme Robert Sloan, ça devient cynique, il critique rien. C'est toujours les riches, les gagnants à la fin. Il y a rien derrière, il y a aucun résultat. Moi, je trouvais ça juste chiant. Vraiment pas juste. Je vais juste. Oui, ben il se passe. Mais Jennifer Coolidge, une queen. Ah bah bien sûr. Oui. Imagine, il y aurait eu Pedro Pascal dans la série. Wow, explose, en fait. C'est le daddy. Mais peut-être que t'as une réponse là. Ah bah oui, c'est Last of Us. Comme ça, c'est une belle leçon. Des fois, tu déconnes et c'est comme ça que tu t'atteins ton. Exactement. Devant. Tu déconnes. Oh, non mais des fois, tu dis des délires. Je suis devenu Patrick Sébastien. Là. Tu vois, tu déconnes et puis voilà. Non, mais tu dis des conneries. Et on n'est pas là pour se faire engueuler de toute façon. Hein. ensuite, One Piece. Ah ça je connais. Adaptation du manga. Et ainsi que Alice in Borderland. Alors ça je connais pas du tout. Ouais, j'ai regardé. Ah, j'ai c'est bien ça. Et c'est quoi comme série? Ça je connaissais pas du tout. C'est japonais. Ouais. Et c'est en gros, c'est un peu genre, si vous avez aimé Squid Game, regardez Alice in. C'est un peu des gens qui sont pris dans un jeu. Ok. Et il y a un 2-3 soleil. Ouais. Ah oui, c'est sur Netflix. Non, c'est plus dans un délire genre, dans mon souvenir, parce que j'oublie tout. Donc je ne sais pas, mais un peu plus Cube, tu vois, dans le côté ah il oui, y a des jeux et si tu perds Squid Game. Et à un moment mais... il y a un vieux qui a une table. Bon voilà. Après non, c'est pas. Ce que je veux dire c'est que Squid Game, il y a des gardes, il y a des gens qui sont là présents, il y a une institution et tout. Bien là sûr. C'est vraiment une espèce de truc à la Saw ou Cube où t'es dans un lieu et ou tout une série est... peut-être qui a marqué un peu le coup récemment quoi. Squid Game, pas ouais, forcément. C'est Squid Game. Et non pas Squid Game, le défi, on le rappelle. Néné sur internet était introduit dans le Néné Netflix le ah pardon Netflix, ouais, le Néné, parce que ouais. je m'y connais était très à cheval le Squid Game le défi qui est sorti cette année. C'était bien pas sûr. La suite de la série. Ah non, parce que les gens disaient ah c'est la nouvelle saison et toujours non c'est un peu moins bien, c'est un peu moins bien, désolé. Il y a plein de gens qui disent que c'est bien ce truc. J'ai tout regardé. J'ai détesté. Non, mais déjà l'intro est vraiment catastrophique parce qu'on voit juste des gens en détresse qui ont vraiment besoin de cet argent. Ah, il y a du storytelling sur leurs problèmes. Ah, c'est un peu glauque. Ah oui, ils reprennent le côté désespoir de la série. En fait. Oui, il y a tout. C'est top ça. Tout est cynique. Donc c'est vrai que le placement est assez catastrophique, mais après les mécaniques sont pas mal, même si je préfère à l'épreuve du diable qui est beaucoup mieux avec des gens. Ah, j'en ai entendu parler de ça. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que c'est? C'est pour les intellos ça. Ouais. Un petit peu pour les grosses têtes d'intello. T'as des grosses lunettes toi. En fait, ça peut. Dans l'idée, ça me plaît, mais je me dis, est-ce que c'est pas chiant à regarder? Je peux concevoir que c'est chiant parce qu'on a vraiment des mécaniques de gameplay qui sont souvent liées à des calculs et tout ça, où tu te sens un peu paumé, mais après, tu t'attaches tellement au perso et les trucs un peu plus de tête d'ampoule sont après. Ouais. Ça de commence tête avec d'ampoule. Un. Ouais. Bah oui, bah c'est Fernand Reynaud là. Tu qu'on connaît pas. C'est lui. Ah oui. Et donc, ouais, non, c'est juste. Je crois qu'il y a une douzaine de personnes plutôt liées à l'entertainment, enfin qui sont déjà un peu connues en Corée, qui se retrouvent dans une maison. C'est une télé-réalité d'enfermement, mais avec des gens cool et tempérés. Okay. Je pense que tu fais ça en France, il y a des morts. Moi, en ce moment, je regarde Frenchy Shore, donc je suis dans encore dans autre chose. Mais voilà. Et bref, et du coup, c'est un battle royal où tu dois remporter des épreuves. Mais c'est bienveillant, même si on déteste ce mot. Il y a un peu un côté. Ouais, mais il y a des coups de. Y a des coups de Trafalgar. Des coups de Trafalgar. Des coups de couteau, malheureusement. Il y a le poignardeur. Il y a le échec et Mac. Ah bah tiens, échec et Mac. C'est le Mac and Cheese, si vous voulez dire. Bien sûr. Non, mais c'est très bien parce qu'on accepte les stratégies et c'est beau et c'est faire. Et vraiment, c'est génial à regarder. Ah, bah, tu sais quoi ? Je vais me laisser tenter. Parce que je me laissais pas tenter et je vais me laisser tenter. Mais Squid Game, il faut savoir que du coup, à un moment, t'as. Squid Game, le défi. Le défi, bien sûr. Il y a vraiment Green Light, Red Light, donc 1, 2, 3 soleil. Et on se dit à un moment, putain, mais vous êtes des nuls, ça dure 20 minutes, vous devez juste maintenir les positions 30 secondes. Et il faut savoir que l'épreuve a duré 7 heures. Waouh ! Bon, donc les gens, c'est de la torture, proche de zéro les températures. Ah ouais ? Et apparemment, il y a peut-être une plainte qui est en train de se faire avec tous les participants et participantes. Et il faut savoir que, ouais, donc, du coup, il y a des gens qui ont des mauvais joueurs pour moi, mais. Oui, mauvais perdants. Il y a des gens qui ont la mauvaise idée de squatter. Et donc, en fait, ils devaient squatter donc, en position squat pendant une demi-heure. Et, parce que quand tu regardes à l'image, tu dis, mais vous êtes complètement con, c'est juste une impression salée. Et du coup, c'est un peu badant, quoi. Comme quoi, les pauvres veulent pas faire d'efforts pour c'est gagner. C'est ça, c'est la vérité. Je crois que c'est la chute. C'est la chute. On est la réussite ou on veut pas réussir. C'est ça le problème des gens. Mais là, récemment, j'ai vu une vidéo de MrBeast. Où c'est genre, tu vas faire un défi. Il y a de l'argent. Il y a des milliards de dollars. 500 000. Et il doit faire un défi. Tu veux faire le deuxième défi pour encore plus d'argent, le troisième défi pour encore plus d'argent, mais tu risques à chaque fois de tout perdre. Et je fais, il va évidemment. Non, il perd. Il perd au septième. Il dit, t'aurais pu partir avec 700 000 dollars, mais t'as perdu. Ciao! Zéro. Et c'est fini. Et c'est vraiment. C'est la vidéo la plus glauque. Ça me glace. C'est horrible. Ouais. Alors je pense qu'il va le réinviter. Enfin, moi je pense. Non. Ah, tu penses pas? Je pense pas. Ah, moi dans ma tête, il allait le réinviter parce que les gens ont dit non, mais il faut absolument qu'il gagne. Et donc du coup. Moi j'ai vu. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, mais moi j'ai vu une vidéo parce qu'il y a MrBeast qui a lancé un défi. Sur les 100 jours là? Sur téléphone, enfin un truc où en gros le principe, c'est son principe de, tu sais, il faut maintenir la main sur la voiture et le dernier qui lâche machin. Et en gros c'était une appli. Et en fait t'avais une zone, tu mettais ton doigt sur l'écran et le dernier qui relâchait son doigt gagnait je sais pas combien de et en fait le truc c'est que le PIB du Burkina Faso souvent on est sûr. Non, voilà, mais en gros le truc c'est que bah évidemment il y a eu plein de bugs, il y a eu plein de, et donc il y a vraiment des gens qui sont fait éliminer. Et ça expliquait comment MrBeast il a essayé de faire et vraiment il a appelé des gens en disant bon vas-y je te donne 50 000 euros puis tu t'arrêtes, t'enlèves ton doigt, tu vois, c'est vraiment. Et voilà, et c'est un fiasco, et il a fait un deuxième jeu qui a été un fiasco aussi. Mais il a construit des points d'eau. C'est ça, et puis ses petites tablettes de chocolat délicieuses apparemment. De quoi ? Je sais pas, à chaque fois il parle de tablettes Feastable. De chocolat. Les Feastables. Mais bon, nous on est en Feastable, France. Je crois que c'est sa marque de chocolat. Oui. J'ai pas tout le lore du MrBeast, mais je crois que c'est sa marque de chocolat. Il fait du chocolat aussi. Oui. Apparemment. Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait fait la grosse vidéo Charlie et la chocolaterie, exactement. Donc, d'accord. Pour faire la méga promo. Top. De toute façon, c'est très capitaliste, je trouve. Merci non, mais c'est vrai. Ça, merci d'énoncer. Non, mais ça. Je le dis, MrBeast, là, c'est le culte de l'argent. Calme-toi. Non, mais j'ai bien l'impression. Bien dit, en tout cas. La personnalité publique la plus recherchée en 2023. Et non, et c'est chez les Français. Jonathan Cohen. Non. Non, mais non, ça aurait pu, c'est vrai. C'était possible. Elisabeth Borne. Non. Mais après, je sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. Ok. C'est un homme. Non, pas Macron du coup. Non. Je sais pas si pas politique. Acteur. Pas, pas de politique. Pas acteur. Inox Tag. Pas Inox Tag. Télévision. Pas télévision. Télé-réalité. Pas télé-réalité. C'est vraiment télévision. Oui, oui, mais je peux quand même te répondre. Non, non, mais c'est moi. C'est la ZIC alors. Pas la ZIC. Mais attends, t'as dit, je crois pas qu'il fasse de la politique. Ah non, non, il y a pas, il y a pas de politique dans le top, pardon. Enfin, je sais pas s'il compte les politiques dans le YouTuber. Top. YouTuber. Pas YouTuber. On oublie. Oh, dis donc, t'as un petit chat là. J'ai envie de te caresser là. Tu veux un peu de lait? Yoda, je suis. Ça c'est pour les geeks, celle-là. Oui, oui. Non, non, si vous avez pas vu, vous l'aurez pas. Quelqu'un de vivant? Tout à fait. Waouh. Attends, une entertainment, pas musique. Pas ciné. J'ai pas dit entertainment. Ah bah on est fou. Ok, non, d'accord. J'ai dit juste pas politique. Entertainment ou pas? Serial killer. Bah non. Non. Non. Enfin, le sportif. Voilà. Mbappé. Mbappé. Le BAP. Voilà. Le BAPS. Bah, le deuxième c'est Antoine Dupont. Le rugby. Ouais, le troisième Brigitte Bardot. J'ai été assez surpris. Pourquoi? Elle a dû dire un truc. Elle a dû dire un truc raciste. Amandine Pélissard. Ah c'est bah, grave. Tu m'étonnes. Je sais pas. Ah merde, c'est qui? C'est celle qui s'est fait tuer, non? Je crois pas. Féminicide, non? Non, ou non, non, France. Pas du tout. La des de Miss France je ou ne sais pas qui c'est. Non, c'est une meuf de famille nombreuse. La vie en XXL. Ah oui, non, elle a fait un porno. Peut-être, je sais oui, pas. Oui, je me souviens, pardon. C'est bon. Jérémy Renner, alors lui, c'était l'accident de chasse-neige. De chasse-neige, terrible. Il s'était fait écraser par sous un chasse-neige. En sauvant son neveu. Voilà. Ah, waouh. Ouais. Caroline Receveur, pareil, c'est maladie, donc un peu glauque. Ah merde. Bruno Guillon, bah, beaucoup moins glauque, il s'est fait séquestrer chez lui. Et Sergio Rico, ça je ne sais même pas qui c'est. Sergio Rico. Sergent Pepper, peut-être. Je ne sais pas, Sergio Rico, peut-être qu'il a fait la France à un incroyable talent. Non, c'est un footballeur espagnol, voilà, je peux pas te dire mieux. Hein, footballeur. Il a dû, ouais, il a dû faire un truc par contre. Sergio Rico? Bah c'est pas le mec de. C'est un gars du PSG, apparemment. Ah, okay. Sergio Rico. Sergio Rico du PSG. Bah, rien connaîtrait. Bah écoute. Il a dû. Il a perdu beaucoup de poids. Voilà. Ah, il a fait. Non, victime en mai d'une chute à cheval, bien joué. Oui, voilà. Il a fait une chute à cheval, effectivement. Mais ça m'étonne que. Enfin, je sais même pas qui c'est. Donc, bah, qu'il soit dans pas, le top 10. On n'est pas dans le coup, mon pote. On n'est pas dans le coup. Mais qu'il n'y ait pas une Inox Tag, ça me révolte. Tu peux il être fait l'Everest quand même. Tu peux être un peu révolté, s'il te plaît. Ah voilà. Et on t'achète. Ouais, c'est un tantrum là. T'as joui, oui. Ouais. Pour moi, c'est comme ça. Le truc qui a été le plus recherché sur Google, vraiment les deux mots les plus recherchés Squid sur Google. Squid Game. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Deux mots. Enfin, une entité, mais c'est deux mots. Père Noël. Ça va vous parler. Oh, ça a fait l'actu en long, en large et en travers. Ça va nous parler, oui. Ça va nous parler. C'est geek ? Oh, c'est méga geek. Enfin, c'est plus geek tellement. Voilà, Star Wars. Non. C'est pas un film, c'est pas. Un jeu vidéo ? Pas un jeu, non. Pas un truc de. Ah non, merde, j'allais dire quoi couper, mais. Non, mais. Ouais, non. TikTok. Toi, Pierre. C'est... TikTok. C'est dans le cœur de ton truc. TikTok. Pas du tout, Adrien. Bah, toi, t'adores ça aussi. T'en as parlé toute l'année. Ah, ChatGPT. Très bonne réponse. Pierre, ChatGPT. Mais oui. Comme c'est... quoi, c'est que de l'apparence, t'aimes pas tant ChatGPT que ça. Tu fais semblant. Tu surfes sur un buzz. Pour moi, tu surfes sur un buzz. Je comprends. C'est vrai que ça a été au cœur de votre année, ChatGPT. Vous l'avez beaucoup utilisé. Ça change la vie. Alors, vous l'utilisez au quotidien ? Oui. Au quotidien, non. Voilà. C'est bien. Non, mais. Quelle place il a dans votre vie en règle générale. En vrai, j'en parle beaucoup, mais je l'utilise. Parce que ça te fascine. Pas tant que ça. Déjà, je l'utilise pas pour générer du contenu à ma place. Oui. En revanche, en vrai, je l'utilise pour. Comme une sorte de. De recherche pour des trucs basiques au lieu d'aller passer des heures sur des sites et de trouver le truc et de recouper les trucs, tu peux demander à ChatGPT, il va faire le travail à ta place et ça te fait gagner du temps quoi. Ou alors quand tu cherches en vrai je l'utilise aussi par exemple quand je cherche des synonymes, quand je cherche des antonymes, quand je dis quel mot je pourrais utiliser là pour exprimer tel truc. Au lieu d'aller passer des plombes à chercher, j'ai trouvé un super site récemment sur justement en fait ils classent les meilleurs synonymes, genre les gens votent, j'ai pas le nom du site, c'est une cata, mais en gros tu cherches un synonyme et l'ordre des synonymes c'est ce que les gens disent, ah oui c'est ce mot là que je cherchais le plus, oui, du coup en fait les propales sont de la plus évidente à la plus tu vois, et donc c'est participatif et c'est, je trouve ça, il y a ça avec les rimes aussi, genre les rimes en ur et le top c'est genre le mot le plus connu qui en ur c'est voiture, et tu sais ça descend avec le, enfin voilà, je trouve c'est super. Mais ce qui est cool avec ChatGPT c'est que ça peut être trouve-moi un synonyme, il te fait des propositions, tu dis non langage plus soutenu, il va te refaire des propositions, ah non deux syllabes, tu parles moins mieux, enfin moi déjà et donc je trouve ça pratique pour ça tu vois, mais sinon je l'utilise pas tant que ça. Ouais. Et toi Pierre, tu l'utilises quand même? Outre pour l'émission évidemment. Il y a l'émission. Pardon, j'ai pété. Non mais moi après ce que j'ai découvert, enfin peut-être un côté aussi malade mental aussi, il y a des choses qui vont m'angoisser et par exemple juste pour des trucs administratifs, je vais juste dire tu vois, je devais juste aller faire un truc pour la banque de résiliation de compte, je sais pas quoi, un truc qui mettait 15 jours. Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai dit écris-moi la lettre. Ouais, parfait. Ah oui. Et il le fait et du coup ça me rassure et ça gagne du temps et je m'appuie là-dessus. Après les petites recherches aussi toutes bêtes. Ouais. Après la mise à jour de ChatGPT 4, il y avait aussi les images et trucs comme ça pour déconner avec les copains un peu. Tu vois, ouais, genre, non, t'as fait des conneries. Fait du skate et tout. Non, t'as fait des conneries. T'as fait des conneries en fait. Ouais, tout simplement. Putain. Je déconne et effectivement dans la conception de notre podcast, donc pardon GPT, où le statement de base c'est que on crée les bios. Sauf qu'au début c'était un peu foireux, maintenant en vrai il est trop fort ChatGPT, mais bref, il y avait des trucs un peu absurdes. On avait fait le premier épisode avec Adrien, on n'a pas trop forcé le côté où il était vraiment à la masse. Et non, même dans la construction, enfin l'IA maintenant on fait nos montages vidéo avec l'IA. Ah ouais, d'accord. La génération des sous-titres avec l'IA. Incroyable. Tout avec l'IA, donc c'est vrai que maintenant c'est devenu une nouvelle dynamique, même pour structurer mes pensées, où là j'ai juste écrit vite fait des trucs quand j'ai fait enfin mes trucs de stand-up là, les trucs que j'ai fait, tu vois, juste pour structurer un peu certaines choses, c'est une béquille quoi. C'est un outil. Et tu danses avec l'IA? Comment? Tu danses avec l'IA. Tu danses avec l'IA. Oui, d'accord. De pacotille, chaîne en or qui brille. Oui, ouais, j'aime bien. Non, mais. Un truc que j'ai pas encore testé. Yann Gallagher. Si, d'Oasis. Esteban, l'IA, Tao, les cités d'or. Bref, toute fraîche, toute neuve. Là, c'est. Non, mais un truc. Il y a que les gens de TikTok qui l'auront, celle-là. Un truc que j'ai pas encore testé avec ChatGPT, c'est que maintenant, tu peux lui balancer un PDF Et lui, en gros, et après tu lui poses des questions. Et donc, par exemple, tu as tes trucs administratifs qui sont effectivement très angoissants. Si t'as un énorme PDF de avec des règles de trucs de comment faire ceci, de résiliation, de machin, tu lui balances le PDF, tu lui dis explique-moi comment je dois faire pour résilier en t'appuyant sur le document que je t'ai fourni. Et a priori, il est capable de t'expliquer le truc de façon claire. Là où toi, tu ferais une crise d'angoisse à devoir lire un PDF, à rien comprendre, il est capable. Donc ça, je trouve ça quand même très pratique, même si j'ai pas vraiment encore testé, je trouve ça cool parce que vraiment, moi, il y a souvent des situations où pour des trucs administratifs, par exemple, où je me dis, mais j'ai envie de le faire, je ne sais pas comment faire. Et tu cherches sur Internet et c'est que des trucs hyper flous. Ils disent bah appelez machin, tu fais oui bon bah j'ai essayé, ça répond pas et tout. Ouais. Et donc du coup si ça peut aider pour des trucs comme ça, c'est pas mal. Moi ça ne m'a pas aidé à retrouver ma Kangoo et ça ne m'a pas aidé à refaire une carte vitale. Voilà pour le moment. J'ai demandé sur la carte vitale, j'ai dit je n'ai plus de numéro de sécu, que faire? Ça fait longtemps, ça frère. Oh la vache. Ah ouais. Je suis devenu père. J'ai été hospitalisé, ça m'a coûté une blinde. Enfin vraiment, je suis à la ramasse. Mais il m'a dit c'est pas. Je crois que à partir du moment où même une IA n'a pas la solution à mon problème, je pars du principe que je n'en aurai jamais. Voilà. Maintenant, tu pourrais le refaire en lui disant en cherchant sur Internet, explique-moi comment je dois avec faire. Avec le 4. J'ai fait ça. Ah, avec le nouveau. Ah oui, non, ça j'ai pas fait. Pardon. Parce que maintenant, il scanne tout. Ah. Avant, c'était juste un add-on et maintenant, je change le PT4, il y a tout. Je suis dans le système. La Matrix. Il fait ça, Est-ce que vous avez fait le truc, la musique, vous avez testé ou pas? Tu changes la voix là. Ouais, ou tu mets vraiment. Enfin, il y a quelqu'un, je sais plus, sur Twitter qui a dit, je sais pas, il y a du couscous, j'ai pété du couscous, ou il y a un chant. Qu'est-ce de que Matelot. Tu racontes? T'es au courant que ça n'a aucun sens. Non, mais je peux vous trouver. Là, tu as dit, j'ai pété du couscous. Non, mais sans introduction. Il y a une chanson banger et c'est une IA. Je vais pas trouver, ça va être terrible. C'est Dwagby ça. On dirait que tu mets des mots. Les Dwagboul. Une chanson banger très bon IA. En ce moment. Twitch. Hein? Tous les mèmes autour de Dwagby. Je comprends pas cette trend, mais j'adore. Voilà, pareil. Pareil. Sauf si c'est du harcèlement, auquel cas. Toi, tu te désolidarises tout de suite. Il l'embrasse à fond, j'ai l'impression. Ah ouais, bon, ça va alors. Alors, c'est ok. Bon, j'ai pas trouvé. Non, mais il y a une IA. Non, mais sauf si vous laissez le temps, mais là, je vais te choquer en fait. Ne choque pas. Oh, arrêtez. Oh, c'est bon. Non, ne chale pas. Je t'en supplie, choque pas. Soit choc-barre plutôt. Non, je pense que ça peut vous faire rire. Allez, vas-y. Mais il faut que. Vas-y, on fait. Il y a un peu de temps, t'inquiète. Non, vous avez pas utilisé. Il y a une application qui permet. Il a souri à cette transition. Juste professionnel quoi. Et c'est une application qui s'appelle Sono. Et tu peux créer des chansons. Tu choisis ton style de musique. Okay. Qui te génère le style de musique. Et après, tu peux mettre des paroles. Ah. Là, c'est un peu Matelot. Là. Allez, les gars, on pisse en jus. Par-dessus bord. Les Portugais sont à l'abordage. Ah. On va se faire enculer. Ah. Mais attends, ça génère les paroles aussi? Non, après, ah, t'écris les paroles, et t'as des trucs vraiment ridicules. Et la voix est inventée. Enfin, la voix, c'est. Exactement, y a rien. Ah, j'aime bien, j'adore. Créer, oh là là. Vraiment, tu viens de relancer 6 ans de podcast. malheureusement, avec cette application. Il y a la fondue aux couilles. Oui, non, mais après, les gens font leur propre recherche. Mais... Donc, il y aura une chanson sur Je suis tapis. Voilà, sûr. Donc, c'est Suno, S-U-N-O. Et là, c'est Jackie Lafrite qui a fait un thread incroyable. Et il y a vraiment des bangers, quoi. Ah, ben putain, on va écouter ça. Mais tu m'offres une transition toute trouvée, Pierre. Ah bah voilà, comme quoi c'était worse que magnifique faire. Spotify. Bah il y a le wrap de l'année, mon petit pote. Oh là là, mais ça c'est fou. Alors, j'aime le poster tout alors le temps. Alors déjà, il y avait quoi vous tout en haut cette année? Ah bah toi tu vous l'avez pas fait? Bien sûr que je l'ai fait, mais en musique tu veux oui, dire? Oui, en musique Spotify, le petit wrap. Alors moi, il est un peu du McDo, attention. Non, mais non mais moi il est un petit peu parasité. Petit menu DJ Snake là. Mais moi je trouve que l'algo est bizarre, Adrien. Non, mais on meuble pendant que tu cherches. Non, des fois il te met des artistes, tu fais j'ai jamais écouté. Merci. Ou alors deux fois quoi. Ah merci. Non, moi j'ai. Bah après, c'est truqué, c'est comme le classement des podcasts de Spotify. Oui. Faites pas genre. On n'est pas dans le top 10, foutez-vous pas de ma gueule. Excusez-nous, on a les chiffres, hein. On a les chiffres. C'est pas ce que je voulais dire, Flo. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est curieux. Non, mais c'est lié juste au. Bah montrez-les les chiffres. Oui, montrez-les les chiffres. Votre respect, voilà, là on va se régaler. Let's go mon petit pote. Alors, l'ambiance est chill quand allez, même. Chill, mais chill verdège. Oh bah bien mieux, oui. C'est un des hashtags de ma chaîne Twitch, chill verdège. Ah chill verdège. Ouais. Le lore est bon. Ouais. Bah, c'est Lord of the Rings. Hein, c'est Lord I. Oh, la chanteuse. Pester. Mon ami maintenant. Pester. Ton ami, ta meilleure amie. Oui, oui, oui. Bah, oui, bah, bah, bah, oui. J'ose espérer qu'elle le restera d'ailleurs. Oui. Bah, même si je préfère. Mais bon, rester. Tu peux faire un tout seul? Ouais, ouais, un peu, ouais. Mais, je suis mal à l'aise. Mais même le week-end? Ouais, enfin, sur un air latino tout de même. Ouais. Tu mets un peu de, un air latino pour une présence quand même. Je vais vite, sur un air latino. Ah, oui, ça, d'accord. Ouais. Ça se limite à là, je crois, les gars. Ah, là, j'en ai pas plus. Ouais. J'avoue que je cherche. Bon, mais. Bah, ils font chier avec leur, alors, ils s'en foutent leurs animes. Pendant que tu cherches. Ah ouais, non, ça y est, alors. Ah, ça, c'est insupportable. Ouais, ça. Ah, les non, petits animes. Les petits PowerPoints. Hey, des slides. Tu avais écouté beaucoup de musique. Ouais. T'as ravi vos oreilles. Mets-moi les titres. Je m'en fous de tes petites phrases là. Avec tes graphismes. Ah, c'est moche, mais c'est fait exprès. Et oui, tu bon, écoutes des trucs de la ville de Burlington. On s'en branle. Tiens, d'ailleurs, moi, j'ai été tellement triste. Parce que, y a, donc, comme tu viens de dire, il y a une nouvelle feature où il te dit: ah, tes goûts musicaux, ça correspond à telle ville dans le monde. Moi, c'était Nevers. Paris. Ah, okay. Ma propre ville. C'est-à-dire que même mes goûts musicaux sont pantouflards. Ils restent où ils sont. Putain, mais ça, ça m'a tellement énervé cette animation, j'ai passé tout ça. Je sais même pas de quelle ville. Alors, je dis quoi, mon top titre, ton par top, exemple ton top artiste aussi, ça peut être. Bah là, je suis sur le top titre. Vas-y, top titre. M'énerve pas. Non, mais rien. Mon top titre. Alors, numéro 1, c'est Running de The Far Side. Ah, je connais pas du tout. Ouais, bah, c'est très bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. The Far Side, un groupe de rap des années 90. Bien sûr. Hein. Numéro 2, Le Mur du Son de Willie Denzel. Ah, ça me plaise. Et on pourrait dire: ah oui, non, mais c'est un bug. Non. Je l'ai écouté en venant dans la rue là. Mais ça, tu peux être peut-être dans le top des 2% des gens qui l'ont plus écouté du coup. Peut-être. Ouais, c'est possible. Mais ça, ils le disent pas, tu vois, ce genre de truc intéressant par exemple. Ensuite, c'est deux morceaux de l'album Plantasia. Okay. La petite... Vous connaissez pas Plantasia? Alors, Plantasia, ça date des années 70, si je dis pas de bêtises. Okay. Et c'est un mec qui s'appelle Mort Garson. Okay. Qui faisait de la musique, un peu un pionnier de la musique électronique à l'époque. Et il a dit: je vais faire un album pour les plantes. Pour que les plantes écoutent. Et donc, du coup, c'est de l'espèce de musique électronique un petit peu douce, un peu. Chill. Planante, chill et tout. Et en fait, je crois qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cet album assez récemment. Les regains de Marseille. Les regains. Gang de regains. Gang de regains. Gang de regains. Non, avec TikTok, je pense que les gens ont dit. Y a eu ça a créé un buzz autour du bien truc sûr. Là récemment. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça, je pense, que je me suis mis à l'écouter aussi. Et donc, mon cinquième titre, c'est Coco Mango Diced Boy Scout Mix. De Damu the Fudge Monk, je ne sais pas ce que c'est du tout. Incroyable. Mais il faut savoir que moi, mon top, il est un petit peu parasité par par Twitch, parce que des fois, je mets des playlists, voilà. Évidemment. Et moi, je mets le son très bas de la musique pour moi dans mon casque, parce que sinon, j'arrive pas à parler. D'accord. Okay. Et du coup, ça me. Des fois, il y a peut-être des morceaux que j'ai lu beaucoup, mais que j'ai pas vraiment écouté. Toi, Pierrot? Mais moi, c'est là où j'étais vexé, parce que effectivement, moi, je suis dans une bulle un peu Les Mystères de l'Amour, Jean-Luc Azoulay-Vert et Elsa Esnou. Et donc vraiment, je l'écoute beaucoup. Ah, t'écoutes Elsa, oui, d'accord. Bah, parce que, fatalement, quoi, pour les streams. Et puis bien j'adore sûr. Tokyo, son dernier titre incroyable, qui raconte la ville du Japon. Ah, tu veux dire un mélange de tradition et de modernité. Exactement, okay. Où les gens sont très polis, les métros sont très propres. Pas un papier par terre. Ouais, ils font la queue, tu sais, pour rentrer dans le métro, il faut la queue, les gars. Ça, c'est un délire. Non, il n'y a pas de groupe, quoi. Et non, mais pas d'Elsa Esnou, figure-toi, dans mon top. Mais non. Du coup, je suis un peu triste. Il y a du métalleux. Oui, oui, non, mais après j'ai des trucs un peu. Après j'ai décidé, j'ai 35 ans, j'ai pas le guilty pleasure. Mais en fait, c'est. Mon top 5, c'est. Apparemment, je veux me tuer. Et. Dans une énergie, quoi. Donc, une énergie du désespoir. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a Boy Genius. Ok. Donc, qui a sorti un album où il y a Phoebe Bridgers, Junior Baker. Ça, c'est Tristan plutôt, Phoebe Bridgers. Oui, c'est l'enfer. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Et Lucie. Merde, j'ai pas oublié la troisième. Merde, attends, t'es en train de choquer. Non, il y a donc Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucie. De toute façon, Lucie Dacus. Lee, voilà. Lee, le truc Lee. Oui, mais ça. Ça voilà, c'est comme un cas. T'es pas allé sur ta attention. Mais j'ai pas réussi à retrouver. Donc, bref, voilà. Boy Genius. Tu tiltes, Boubou. Non, mais tu Ouais, par rapport à cette année de bol, tu veux du bol. Non, Boy Genius. Après, non, en fait, moi, le truc, c'est que pour m'endormir, et c'est pour ça que tu disais ça tout à l'heure, pour plus de cas, j'aime bien avoir des chansons les plus tristes possibles ou qui me ramènent à des idées les plus sombres. Donc, fatalement, le top 1 très et 2, idée, ça. C'est Bo Burnham, encore une fois. Donc, vraiment un cliché sur pattes. Et encore après... une fois, c'est pas Bo Burnham. Hein. Encore une fois, c'est pas Bo Burnham. Ils le disent dans la chanson en plus. Non, mais ils écoutent pas les paroles, ils écoutent sur la musique. Et après, non, fatalement, du rock, Ah oui, oui. Military Gun, très bon album. Oh, Life Under the Gun. Incroyable. Incroyable que j'ai eu la chance de les voir récemment à Paris, qui repasse en mai. Très bon album. Le deuxième projet du gars qui avait fait Regional Justice Center, qui était un peu plus vénère. Et là, c'est un très beau projet des années 90. Et après. Petit plaisir coupable, et là où je suis vraiment victime de l'algorithme TikTok, Sleep Token. C'est vraiment un mélange, enfin t'as du R&B avec du métal. Et... R&B avec du métal. Ouais. Ah, ça donne envie un peu. Tame Impala, métal, gent, avec des breaks. Parce que les deux ne le voient pas, tu fais dans la... J'ai secoué la tête de droite à gauche quand t'as dit que ça donnait envie. Effectivement. Après, c'était ironique. Chacun ses goûts. Ah bah attends, et on m'aurait vu que ça. Tout est fait pour que j'aime pas, et je me suis fait avoir parfois, à cause de TikTok. Ouais. Après, je rappelle que moi, mon deuxième morceau le plus écouté est Willy Denzen. Donc, ouais. Suis-je pour juger. Oui. Moi, mes titres préférés, je peux pas vous les dire, c'est que des morceaux de mon film. Ah, mais non. Ah, je crois que ça allait être. Baby Shark. Oui, voilà. Non, alors, Franklin, ça, la tortue. Et bah, tu sais, c'est très marrant que t'en parles. Je me suis fait. Alors, je sais pas si ça a beaucoup de sens. Ouais. Mais je n'ai fait écouter aucune comptine à ma fille. J'essaie de faire écouter juste de la musique que j'aime bien. Cannibal Corpse. Non mais là, les parents qui veulent imposer leur goût. Non, pas du tout. Non, et après qui font des stories genre c'est même pas moi qui lui ai. Si bien sûr. Non, bien tu l'indoctrines. Je lui fais pas écouter Korn et Rage Against the Machine, mais des trucs. Tu vois, genre j'écoute pas Johnny Cash, mais je lui fais écouter parce que je trouve ça doux, c'est de la guitare sèche, c'est à la cool. T'écoutes un peu Johnny Cash. J'écoute pas du tout Johnny Cash. Tu peux. Bah j'écoute un peu. Mais non, mais c'est pour dire que voilà, je fais écouter des trucs à la guitare sèche, à la cool et tout, parce que les comptines, je trouve ça relou quoi. Enfin, c'est vraiment chiant. Après, je sais pas si. Mais peut-être il y a Samuel, pour ne pas le nommer, le père parfait d'Instagram, qui me dira qu'il faut faire écouter des comptines parce que ça aide le développement de l'enfant, peut-être. Mais c'est vrai qu'en musique pure, Joanne, elle est vraiment sur la guitare sèche, elle kiffe ça et tout. Des trucs de chansons françaises. Bah, Souchon. Drogue, tu vois, Souchon, ouais, non, bah, tu lui fais écouter. Non, je lui fais pas écouter, juste j'écoute. Du coup, elle écoute et elle aime bien. Tu vois, tu c'est la juste ça. À écouter je te jure sur ma vie que je la force pas. Donc voilà. Donc des trucs de ton film, donc dis rien parce que tu vas spoil. Non, je vais spoil. Non, et dans les artistes, il y a Alain Souchon, Pulp, Korn. Voilà, Niagara, moins de mots, Charlotte Gainsbourg, voilà évidemment. Ouais. Donc, voilà. Attends, t'as spoilé le film. Oh, j'ai spoilé le film. Mais attends, la chanson, j'ai mon top artiste du coup. Moi, ah pardon, du coup, je le dis vite fait. MF Doom, Jay Dilla qui était un producer de hip hop années 90, tout ça. The First Side, Mort Garson du coup et Daniel Balavoine. Allez, ça y revient. Et à votre avis, la chanson la plus écoutée dans le monde, c'est quoi cette année? C'est Bad Bunny, non? Non. C'est la Kwaku maladie. Non, ça c'est en France. C'est non, pas J Balvin. Non, c'est une chanson qu'on a entendue en long, en large et en travers. C'est pas. Non, pas du Ali. I said what I said. Non, non, mais on l'a vu beaucoup en TikTok. Billie Eilish. Non, what mais on n'est pas loin. En tout cas, c'est de l'empowerment. Si vous êtes une girl, vous devenez une queen en l'écoutant. Donc c'est Beyoncé. Vous slay. Non, c'est pas Beyoncé. Ah. C'est une chanson où qui slay. Ça slay en max. C'est quelqu'un qui a été moqué, qui est revenu en force. Merde. On s'est rendu compte que quand on se moquait d'elle, c'était quand même surtout sexiste et que du coup maintenant, voilà. Mais flûte à bec. Ah, ouais. C'est. J'allais dire. Star depuis longtemps, longtemps, ah ouais, longtemps. Non, non. Parce que moi j'allais dire. Merde, comment ça s'appelle la meuf qui faisait Friday Ah, Rebecca Black. Ouais, Rebecca Black. Non. Non, non, c'est pas Rebecca Black. C'est pas Rebecca Black. Je vais vous le dire, ça va vous rendre foudrage. Bah, non, bah, tu vas pas le dire. Il va falloir que je le dise bientôt. Peut-être pas. Attends. Quelqu'un qui a été moqué. Moqué. Un peu. Mis au banc de la société. Non, pas mis au banc, mais j'ai l'impression qu'elle fait un peu ça, quoi. Elle est un peu en dents de scie. Des fois, elle fait un hit. Après, ça redescend, ça revient. Ça flop, tu veux dire. Ça flop. Non, mais parfois, ça flop. C'est flopesque. Non, non. C'est flopesque, meuf, en fait. Ouais, c'est ça. Non, là, encore une fois, elle a... au contraire. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain âge. Je me demande ce qu'est ce poulet, tellement elle est cartonne. Ah, ouais, d'accord. Okay, d'accord. Pas un certain âge, je pense qu'elle a mon âge, un peu, peut-être un peu plus. Ah, elle a ton âge. Ah, mais... ah donc star mais depuis. Ah, Miley Cyrus. Très bonne réponse. Oh, Flowers. I can buy myself flowers. Oh, elle peut se tenir elle-même sa propre main. Bah, voilà. Bah, ouais. Donc, là, vous êtes c'est là. Vous me faites très marrer. Triste de faire ça, mais. Et elle danse seule. Voilà. Et alors, ça. Dans la gueule au frère de Thor, là. Voilà. Parce qu'il était avec le frère de Thor. Ouais, c'est ouais. Un petit rêve d'ailleurs. Franchement, c'est, là, c'est une rêve. Bah, les geeks, ils ont adoré cette chanson. Ils ont dit ouais, bah, attendez, c'est une rêve à tort. Ouais. Et, je mais peux par porter contre, mon propre marteau. Hein, si je veux. Elle l'a dit. Dans elle la l'a chanson. Dit dedans. Marvel. Elle dit Marvel, Marvel, Marvel à la fin. En fait, à la fin de la chanson, il y a une scène coupée et où tu vois les Avengers à la fin de. Ah ouais, non, ouais, ouais, ouais, c'est Nick Fury. Il y a Nick Fury qui vient. Qui fait, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, et oh, je suis tapis. Attends, tu rigoles ou quoi? Ouais, je suis Nick Tapi. Oh, quoi? Ta chanson là, je vais la racheter pour 1€ symbolique. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Tout le monde en entend parler de ce nom, d'accord? Les Avengers, tout le monde va avoir ce mot à la bouche. Tu comprends ça? Et les Chirac et les Mitterrand, ils pourront rien faire. De toute façon, c'est comme ça. Moi, je suis un mec de la rue. Je viens, et c'est pas avec ton costard cravate que tu vas m'impressionner. Moi, je suis là, j'ai commencé, je buvais du café au lait, moi, au dîner, d'accord? Tu comprends ça? Et maintenant, je suis à la tête des Avengers. Je suis tapis, putain. Je suis tapis. Mais Flowers, elle est troisième en France. Parce que là, c'était elle est numéro 1 dans le monde. Mais quelles sont les chansons qui se placent avant? Non. La Kwaku Maladie? Non. C'est les chansons, c'est hip hop. Je sais pas si vous. Bon, toi, tu dois avoir. Bah, si, il y a Die et de Gazo. Non. SDM. Et la deuxième chanson, c'est Meuda de Tiakola. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, voilà. Et dans le top monde, et bah, effectivement, la numéro 1, pareil. J'ai pris en photo. Ah bon? Cette année en plus. Sympa. J'ai fait 60 likes, je pense. Et la numéro 1 dans le monde, c'est aussi une meuf. Bah là, c'est très facile. Slay. C'est une. Ah bah là, le Slay à donf. Bah Beyoncé. Non. Bah merde alors. Non, mais arrête, Beyoncé c'est... n'est même pas dans le top 10. Ah non, bah Taylor Swift. Et putain, bah oui, et mais bah vous ouais. êtes pas des Swifties ou quoi? Bah, Taylor bah, Swift, trop. Bad Bunny, The Weeknd, Drake, ah, Bad Bunny, là. Peso Pluma, Fed, Travis Scott, SZA, Karol G et Lana Del Rey. Franchement, Taylor je peux te citer 3 morceaux de chacun d'entre eux sans problème. Et les artistes les plus écoutés en France, c'est Jul évidemment, l'indéboulonnable, Nino, Gazo, Tiakola. Ah ouais. Oh là là. L'un Europe des plus là. Vite que la musique. L'un des joulonnables. Oh ouais. Un des joulonnables. Et Damso en 5, pardon. Et alors Spotify a fait un truc un peu marrant. Ils ont mis un classement qui s'appelle Throwback, qui sont en fait les chansons populaires qui ont plus de 20 ans. Le top 3 des chansons de Spotify, mais qui ont plus de 20 ans. Ah. Donc à votre avis, quelles sont les 3 chansons, sachant que c'est des chansons. Alors la première c'est est que des trucs de TikTok. Non, justement, plus de 20 ans. Ah oui, bah oui, mais tu sais, avec 2004. Frère, déjà. Excuse-moi. Je suis pas. Ok. Non, c'est beaucoup plus ringos, hein, les amis. Hein. C'est pas TikTok. Fleetwood Mac. Ça, c'est pas une IA. Il y a vraiment qui chantait. Ah oui, oui. Je sais ce que c'était. Là, c'est vous. Mais ça, c'était le mec avec son skate. Bah ouais. C'était bien longtemps, ça. Non, mais pour dire. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des vieilles chansons qui renaissent. Non, là, je pense pas que c'est grâce à TikTok. Ou alors, je suis passé à côté de trend. Il y a pas Mac Chemical Romance. Non. Ah. Non, le top 1. Top 1 Fortnite d'ailleurs. Oui, bien sûr. Parce que la Kwaku Maladie, c'est à moins de 20 ans. Non, la première, elle est très connue et c'est une chanson. Si vous êtes blanc et que vous avez fait des soirées, elle est passée quoi. Les lacs du Connemara. Non. La Kwaku Maladie d'amour. Elle court, la Kwaku Maladie d'amour. Dans le cœur des crampetés. De 7 à 70 à Pagnon. Oh oui. Je vous avais pas vu. Bah, fait Adrien, IA, ça. Adrien, son index. Non. Oh, attendez. Oh là là. Asseyez-vous. Attendez, je l'ai. Je suis une merde. Non, mais c'était bien, c'était bien. Mais c'est super. C'est la fin du Floodcast. 2024, c'est fini. Ouais. On laisse comme la non, la numéro 1. Je peux pas vous la donner. Je vous donne la numéro 3. Parce que vous l'aurez pas. C'est Me Gustas Tu de Manu Chao. Ah, de oui. Manu Chao. Oh, quel enfer. Horrible chanson. Et pourtant, Dieu sait que j'aime des Manu chansons Chao, de la Manu Negra et tout. Mais et après, la 2, c'est Freed From Desire de Gala. Bien ça, bien pour sûr. Les gens qui aiment le foot. Bah ouais, ça. Tu m'étonnes. Et la numéro 1. Alors, on peut trouver. Ah, bah je vous ai dit un indice. C'est si vous êtes blanc et que vous avez fait des soirées, elle est passée. Oh non, c'est français. C'est français. Nocturne mes couilles. C'est Laurie. Nocturne. Non. Parce que c'est Laurie. Ah, attends. Pas rap. Non, c'est Goldman et Céline Dion. Ah non, mais bah ça oui. Ce n'est pas non plus l'aventurier de Dépêche Mode, de Indochine, ouais. N'importe quoi. L'aventurier de Dépêche Mode. Non mais vraiment, deux groupes différents, pas le même pays. Tu confonds avec les tous les goûts musicaux de ton rap. Ouais, c'est vrai. Il y a un pattern. Un pattern. Oh là là. Attends, mais bien sûr. Français, une chanteuse. Un groupe. Pas téléphone. C'est Mano. Non. Gold. Remarque, non, pas Gold. Si, ça fait 20 ans. Ouais. Oh, ouais, je pense même très très mec. Vieux. Plus, ouais. plus. Eh oui, plus. C'est pas du rap. Le premier album de Slipknot a 25 ans cette année. Eh oui. Le coup de vieux. Quoi Quoi coup de vieux. C'est vrai que t'as pris un sacré quoi coup de vieux là. Pourquoi j'ai jamais entendu ça jusqu'à présent? Un quoi coup de vieux. Bah, c'est malheureusement le titre de l'épisode en plus. Un sacré quoi coup de vieux. Oh là là. Non mais merde, un groupe d'il y a 20 ans, il y avait quoi? Attends, Mickey 3D, Respire. On a jamais tu t'approches. Quoi coup du lapin. Ah ouais, c'est vrai ça. Pour toi, c'est fou ça. Ouais. Incroyable. Pas respire, il y a 20 ans. Donc pas respire, mais c'est vraiment t'es. C'est Indochine. Non. Mais ça a buzzé sur les réseaux. Téléphone de merde. Je sais pas si ça. Quand téléphone. Oui, oui, t'es. Non, mais après, tu rajoutes ce que tu veux derrière. Je me suis permis un petit. Ça m'a échappé. Un petit avis léger. Non, c'est. Vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Vous êtes vraiment autour. Un groupe. Pas Louise Attaque. Louise Attaque. Oui, je t'emmène au vent. Bah oui, je t'emmène au vent de Louise Attaque, bien sûr. Ça, c'est numéro 1, ça. Numéro 1 des chansons qui ont plus de 20 ans, attention. Oui, oui, mais quand même. Ah, c'est terrible. Il y a peut-être d'autres chansons. Elle doit passer en soirée. Elle doit passer en soirée. Alors, on a fait la musique, on a fait les recherches Google, on a fait tout ça. Les films. Et oh, oui, parce non, que là, ça a été une année cinéma chargée. Chargée. Eh, vous vous rendez compte que l'an prochain, quand on va faire cet épisode, bah, on va parler de Nous les Leroy. Mais ouais. On évitera la peut-être. Dinguerie. Mais oui, ça dépend. Hein mais on évitera peut-être. Si c'est, voilà, mais. Le Kwaku Flop. Oh non, faites-en un Kwaku Banger, je t'en supplie. Un flop, flop bear. Ah, oui. Oh, là, là. Ça peut être le titre. Donc on commence alors avec un film que moi j'ai beaucoup ça aimé. Ça peut être le titre des critiques dans, bah oui. dans les journaux. Bah, je sais que je les ai déjà écrits. Hein. Un flop rend Bernard. Nous les Leroy, un flop rend Bernard. Est-ce que tu penses qu'on peut pré-shot le titre de Libération sur Nous les Leroy? Bah ça dépend s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Moi j'ai déjà un peu les... je les dis pas pour pas me porter l'œil. Okay. Mais j'ai déjà pensé un peu au jeu de mots pour dire que c'est bien et ceux ou pour dire que c'est pas bien. Ok. Tu vois. Mais avec le roi tu peux faire des trucs. Bah c'est tu ça. Vois, le roi L'Hirsute, des, le roi de. Ah oui non toi tu fais des réponses au flot. Alors Marcel le coquillage. Donc 46e. On annule mon jeu mais super. Non mais ok. Bah moi j'ai adoré. Marcel film. Incroyable. Marcel le coquillage de Dean Fletcher Camp. Alors c'est un mélange de c'est un fou docu. C'est un mélange de stop motion et de live, en fait, sur un petit coquillage, un tout petit peu. L'adaptation d'une vidéo YouTube. C'est vrai, c'est vrai, parce que à chaque fois, on nous fait chier avec oui, film de youtubeur. Bah là, c'est un film de youtubeur. Ouais. Mais c'est un super film, production A24, évidemment. Oui. Et, comme Nous les Leroy, un film de youtubeur. Ouais, bah, de toute façon, et Vermine, voilà, il y a quand même Jérôme dedans, disons. Et donc voilà, film touchant, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film que t'as envie de montrer à des enfants, mais qui est pas non plus. Enfin voilà, les adultes se font pas chier du tout, quoi. Et tu pleures très fort. Ouais, moi j'ai eu beaucoup d'émotions. Je sais qu'Adrien t'as moins pleuré, mais c'est pas. Après, disons que j'ai vu un peu les grosses ficelles qui m'ont sorti du récit, quoi. Quel genre de grosses ficelles? Littéralement les ficelles qui tiennent les ficelles. Qui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais du stop motion, tu mets quand même un petit budget pour effacer les grosses ficelles, quoi. Quand le petit coquillage saute là, il saute pas, il est tenu par des ficelles. Effacez-les les mecs. Ah bah, on les voit et ça peut sortir du récit. Il t'es pas dedans. Bah ça m'empêche de pleurer moi. Ouais, parce que dans l'Anatomie d'une chute par exemple, ils ont effacé toutes les ficelles et t'es là, ouais, bah là ouais. Ah okay. Ouais, c'est une chute sans ficelles et sans filet. C'était le titre de mon épisode de El Cinéma ça dit quoi. Sans ficelle et sans filet. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, Adrien a un podcast qui s'appelle Et le cinéma, ça dit quoi? Et effectivement, grosse concu avec envie de faire 4K. Ouais, bien sûr, alors tire la bourre dans le top Spotify. C'est vrai, c'est un peu. Et c'est vrai que, bon, Adrien m'a un peu baisé cette année. Bah ouais, mais en même temps. Mais il a sa bande. Bah c'est ça, depuis qu'il a sa bande. Alors, L'amour et les forêts, 40e de Valérie Donzelli, avec Virginie Efira. Très joli film sur un couple toxique. Qui va à Center Parks. Non mais je crois que c'est ça. Ne cite pas Center Parks évidemment. Oui, bah, oui pour est... des questions. Bien sûr, mais oui, non, c'est ça. Ben non, mais c'est vrai que c'est sur un couple plutôt toxique. Mais lui, le Poupeau joue un mec assez violent. Et c'est vrai qu'il y a cette scène où dans le toboggan, il noie un peu Virginie Efira, le toboggan. Tu veux dire la rivière des La sons, rivière là. Sauvage, la rivière sauvage de Center Park. Où il commence à la couler un peu. Bon là, c'est vrai que les poils. Les poils, ouais. Les poils. Les poils et les forêts, qui était aussi l'autre titre du Libération. C'était le préquel, non? Les poils et les forêts. Ouais, non mais ouais, Melville Poupeau, très très toxique. Il enlève les Enfin, dans le film, hein. Oui. Parce que je les vois, les TikTok, là. Non. Il enlève les brassards des enfants. Il vole toutes les frites. Mais et même... c'est des red flags. Et là, Virginie et Fira auraient pu, au début du film, se dire il a volé les frites. Tu sais, il faisait avec les petites mains dans l'eau, il faisait. Ah ouais, non. Dans les yeux. Dans les yeux. Et ça se fait pas. Mais quoi. C'est même un authentique red flag à un moment parce que dans la piscine à vagues, il y a un drapeau rouge. Ah parce ouais, qu'il veut pas y aller, bah red flag. Ouais. Et quand il jette de l'eau dans les yeux et tout, elle lui dit mais attends, t'es un gamin, t'es Melville Poupon ou quoi. Les bébés nageurs se lâchent très bien d'ailleurs. Elle dit ça. Ouais. Lui dit un moment. C'est bizarre parce qu'il s'appelle pas du tout comme ça dans le film. Il s'appelle pas Melville quoi, mais ouais. Ouais. Mais ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont coupé le truc. Dans le making of, tu vois le réel qui dit coupé. Bah, en fait, tu l'as appelé par son vrai nom. Dans l'impro que t'as fait là. Virginie O. Il dit ça. Et Virginie fera attention sur la prochaine prise. Oh non. Mais quoi, je les ai pas vus vos putains de films. Voilà. J'en reviens à mes artifices de base. Si. Virginie Efira, attention. Si, c'est pour moi une des meilleures de l'année. Bon. Non, elle est venue. J'espère que non. C'est que le début. On est des diesels. Comme dirait. C'est que le début. Ah ouais. C'est que le début. Bon, surveillez le ciel. Ouais. Ça va tomber fort. Tu fais très très moche et ça me déprime. Surveillez. 31. Si vous voyez que tu fais moche, vous dites oh, tu dois pas aller fort, le pauvre. Moi, c'est dans mon top 5, celui-là. Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Oh bah oui. Ça, oui, c'est bien sûr. Incroyable. Bah, en fait, c'est très drôle, très touchant. Il a l'air de déchirer. Non, c'est. Ah, ce qui est génial, c'est que c'est super beau. L'image, elle est magnifique. Je reviens un petit peu sérieux. Toi, tu l'as vu. Ah ouais, j'ai adoré. Non, toi, t'as vu tous les films cités, tu les as vus là. Là, depuis tout à l'heure, oui, j'ai vu tous les films. D'accord. Ouais, j'ai vu tous les films. Wow. Dis un film. Zidane. Je l'ai vu. Et c'est les comédiens sont sublimes. L'actrice principale qui s'appelle, bien sûr, je cherche pas. Magali Lépine Blondeau, elle est trop bien. Et c'est drôle, c'est touchant, c'est beau. Et non, moi, c'est un de mes films vraiment préférés de cette année. De quoi ça parle, en amour. C'est un film québécois. Et c'est en gros une nana qui est en couple depuis longtemps avec son gars. Qui tombe en crush, il faut le dire, avec son ouvrier du bâtiment, je crois que c'est son plombier, enfin, je sais plus exactement, okay. Faire sa maison avec son mec, et ça baise, et il y a une idylle, et du coup, ça lui. Ils sont pas exactement du même monde social, disons, lui, c'est okay. Un petit peu plus un bourrin, et bah, il un est peu simple, plus quoi, une c'est intello. Un mec plus simple. Ah bah, il est simple comme Sylvain, comme tu Sylvain, peux pas ouais. Dire mieux. Et il devait être joué par Artus, de base. Mais ça s'appelait simple comme Artus. Bah non, parce que Sylvain, c'est un. Ah oui, son personnage. C'est le personnage oui. D'Artus. Ah, bah, je croyais que tu parlais de ça parce qu'ils sont québécois et lui, il a fait le gay-bécois. Donc je pensais que. Ouais, ah oui, c'est vrai, je pensais que ça tout se recoupe. Ok, d'accord. Non, et c'est vraiment. C'est un chouette film. Bah moi, j'ai aussi beaucoup pleuré. J'ai beaucoup rigolé. C'est vraiment très, très. En fait, le film, il se vend pas beaucoup là-dessus. Ouais. Mais je trouve ça vraiment très, très drôle. Mais Monia Chokri, elle avait fait La femme de mon frère qui était super drôle aussi. Babysitter, moi j'avais un. Babysitting. Babysitting. On le sait peu, mais c'est elle qui a fait Babysitting 1 et 2. Et épouse-moi mon pote, c'est ouais. Bah voilà, j'avais un peu moins accroché, mais j'avais trouvé ça très cool, mais j'avais pas eu l'implication émotionnelle que j'ai eu et sur La femme de mon frère et sur Sam comme Sylvain qui sont vraiment des bangers. Ok, d'accord. Okay, bangers, okay. Des bangers. Bah, je vous encourage. Je le verrai dans 3 ans. Voilà, je vous encourage à voir ce film, c'est vraiment trop bien. Je vois blablabla Mars Express. Ah ça c'est français, il faut soutenir. Bah c'est moi vrai. Je voulais aller le voir et malheureusement bah là je vais peut-être pouvoir. Je sais pas s'il est toujours à l'affiche. Je pense que c'est un peu compliqué, je crois. Ah mais... là, parce que moi j'étais malade. Bah ouais. Donc je voulais aller le voir et il y avait deux films, on devait aller voir. Oui. Vincent doit mourir avec Pierre. Ah. Et simple. Ah non, oui c'est ça. Vincent, non, pas que des films avec des prénoms. Oui, hein, non, c'est ça, oui, Vincent doit mourir et Marcel. Et non mais maladie quoi. Et pas la Kwaku maladie, hein, une vraie maladie. Moi j'ai vu les deux parce que j'ai vu aussi Vincent doit mourir et c'est vrai que c'est des chouettes propositions. Surtout c'est des propositions de divertissement. Okay. C'est ça qui est trop bien, c'est que ça n'a pas de véhilité. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais je l'ai vraiment pris comme du pur divertissement et bien fait. Mmh. Genre, tu te fais pas chier, ça en envoie. Mmh. Non, les images sont magnifiques. Je parle de Mars Express et de Vincent doit mourir. Ça dure pas longtemps. Non, ça, Mars Express, ça dure 1h20, 2h09, ouais, quel régal. Ouais. Quel régal. Non, c'est super joli et film d'animation de science-fiction de Jérémy Perrin, c'est ça? C'est ça, Jérémy Perrin, c'est qui avait fait les Last Man, la première sûr. Saison, je crois. Et je l'avais recommandé dans un podcast, donc je vais pas passer mille ans oui, dessus, oui, mais oui. Mais il y a ça foisonne d'idées, voilà. Ça c'est vraiment bien, tout en respectant d'où ça vient. C'est dans des codes qu'on connaît, de Ghost in the Shell, de Blade Runner, de tout ça, mais à la française et avec beaucoup d'idées. Et j'ai trouvé ça. Vraiment... Il y a Sébastien Chassagne. Bah il y a, oui, y a Sébastien Chassagne dans un film, c'est banger. Il y a la chasse. Super Mario le film. Oui, bah, non, tu l'as vu de toute façon. Mais je l'ai pas vu. Quoi? Alors c'est quoi? On va faire que les films que t'as vu. Mais non, mais j'en ai vu zéro. Mais si, t'as non, pas non, vu non, le règne animal. Non, mais je vais le faire. Mais... T'as pas vu le règne animal? Mais bien sûr que non. Est-ce je que pense que j'ai vu un film cette année. T'as vu Le Garçon et le Héron de Miyazaki? Mais pas du tout. En plus, c'est pas que c'est chiant. Bah alors, le Héron n'est jamais un petit patapon. Et ça me rend fou de rage. Non, il est à un moment, il a un grand patapon. Donc je me dis bon là, il porte un peu en couille. Mais il n'est jamais un petit patapon. Jamais. Alors qu'un héron est rond. Normalement, c'est un petit patapon. Tu peux pas. Enfin, ça c'est non, selon non, mais moi. Je après, il est vieux Miyazaki. Mars Express est toujours totalement. Notamment au MK2 qui est de Loire. C'était un peu l'année des prénoms parce qu'il y a eu Simple comme Sylvain, il y a eu Vincent doit mourir, il y a eu Yannick. Yannick, je l'ai vu. Ah bah oui. Bah voilà. Tu les as tous vus depuis tout à l'heure, je crois. Oui, bien sûr. Non mais c'est fini ça. Là tu dis c'est trop bien, ça va être l'épisode où Adrien il fait semblant d'avoir vu les films. J'en ai marre. Je suis de mauvaise humeur. Ah bah non, mais il l'a prévenu, il l'a prévenu. Ah, il a dit, il a pas, il prend pas pension. C'est pas un jukebox. Non, mais de toute façon, et vous savez quoi? Et c'est là où on commence à se connaître. Je l'ai senti très vite. Ouais. Et donc j'ai noté tous les films que je sais qu'il a vu. Et donc là, je vais le lancer que sur les films qu'il a vu. T'as cru que j'avais vu le garçon? Non, là j'ai demandé comme ça, mais t'inquiète, j'ai ma liste. La nature là. Ouais. Le règne nature. Nature et découverte avec Romain Duris. Mais enfin, cette bougie, c'est Oh là là, papa. Moi j'ai aimé. Mais c'est un boulet de taillerie. On en a déjà parlé, je crois, dans le Floodcast. Mais ouais, j'ai aimé Yannick. Et pourtant, enfin, en fait, il n'a pas, je trouve, ce que j'aimais. J'aime les films de Quentin Dupieux. J'aime moins quand ça part en pirouette de. En cacahuète, d'ailleurs. En fait, c'était ça. Ouais. Que j'aime moins. Et même pas, moi j'avais vraiment mini spoiler, mais j'avais adoré au poste, ah sauf ouais. la fin. Bah oui, voilà. Mais là justement, je trouve qu'on est sur un truc une narration, une fin. Moi j'aime les gens qui j'aime le jeu. Déjà t'aimes les gens. T'aimes les gens déjà. J'aime les gens. Ouais. J'aime la vie. Je suis J'aime les bestioles. J'aime tout. Non mais j'aime le jeu quoi. Ouais. Quand ça joue bien, moi ça peut me suffire. Ah bah. Quasiment. Et je trouve que c'est ce qu'on dit jamais. Enfin ce qu'on dit rarement de Dupieux. On limite Dupieux à oh là là c'est un peu absurde et il fait tout seul. Ah non. C'est d'abord un grand directeur de comédien parce que moi je me souviens d'Au Poste, Poulvorde. Je m'étais dit mais ça fait quand même quelques films que j'ai pas vu un Poulvorde aussi flamboyant et c'est souvent le cas dans ces films. C'est ce que je préfère chez Dupieux, ouais, je pense. C'est ça. C'est comment il. C'est, ouais, ce qu'il fait faire à ses comédiens, à ses comédiens. C'est incroyable. Et le numéro 1. Non, mais ça, tu l'as vu, c'est obligé. Parce que vu l'amour que t'as pour. Enfin. Babylone. Ah mais ça. Bah c'est Babylone le film. C'est le premier film de ton rap. Bah, donc ça fait... C'est ça. T'étais obligé de le voir. T'étais obligé de le voir. Oui. Bah avec une BO entièrement au djembé. C'est ça. Et là je sais que bon, ça te fait chier d'inventer, mais là tu l'as vu, donc tu peux pas inventer d'avoir vu le film de non, mon mais père. C'est vrai que bah la bonne idée du film, c'est d'avoir pris Mani de Trio dans le rôle principal. Bien sûr. Pour Babylone, évidemment. Bah d'ailleurs c'est tout le premier acte, c'est la chanson Désolé pour hier soir au cinéma. Voilà. Non mais il ramène c'est un mélange de Pikachu et Jackie Sardou. Voilà. Et du coup c'est vrai que bah du coup t'as toute une première partie où tu te dis c'est quoi, c'est de la comédie et tout, mais non pas du tout. Après il y a une critique sociale très aiguisée contre Babylone justement. Bah, Babylone qui tire les ficelles du cinéma. C'était important de voir ouais, ça, voilà, là c'est où ça. Y a Brad Pitt, c'est là où ça devient méta. À un moment, c'est là où ça devient méta. C'est vrai que c'est là où ça devient méta, mais là où, quand Brad Pitt dit bah il faut en finir avec cette industrie qui part à volo, on dit sortez les poubelles. Et là à ce moment-là, il y a Margot Robbie qui se met debout sur le zinc et qui exprime une colère. Je me demandais où t'allais. Fou, mais oui, c'est vrai qu'elle est debout sur le zinc. Et dit au lieu de partir à volo, partez à vélo. Oh, c'est important, c'est un statement. Beaucoup moins polluant. Ouais. Et là, l'hymne de nos campagnes qui part. Ouais, en réverb. C'est réglé comme c'est, du papier à musique. Bah, c'est pas film, numéro en fait. Un pour rien, hein, c'est leur favori. Babylone. Alors. Et je voulais juste dire, rappeler le générique de fin, c'est pendant 5 minutes quelqu'un qui fait man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man man. Oh ouais. Et pendant 5 minutes. Ouais. Pendant 5 minutes c'est la chanson de fin, hein, ça. Ouais. Il y a les crédits qui défilent et c'est ça. En voyant les meilleurs extraits de l'histoire du reggae français. Ouais, c'est ça qui est vachement touchant. Ouais, non, vraiment... C'est très très touchant. On va passer bientôt à un nouveau jeu. Ah, mais avant toute chose, Pierre, comme ça, petit top 3 de films. Voilà. De l'année, de tes films préférés de cette année. Bien sûr. Le top 3, parce que c'est la question, top 5 ou top 3, mais je te l'ai envoyé et je vais le récupérer. Ah, tu l'as envoyé ? Bah oui. Oh là là, c'est mal préparé. On s'est mal préparé. C'est bien sûr que si, je te l'ai envoyé. Je t'ai envoyé un. Moi, les bizarres textos, dernier texto que alors, j'ai de voilà. toi, c'est il me faut le code. Vous êtes deux cons. Non, non, et là, j'ai vraiment envoyé. Et donc, non, par rapport à mes notes Letterboxd, car j'ai un Letterboxd. Ah oui, c'est vrai, tu m'as désastreux. Envoyé. Pardon. On le rappelle. Pourquoi? Je sais pas, c'est les gens qui disent ça. Ils disent que je suis un homme soldat ultime. Les gens. Hein ah oui, bah, les gens, ça, Florent le dit ça. Mais les gens, ils disent ça. Les gens ils disent que je suis. Donc, en gros, il y a des gens qui donnent leur avis sur un site sur lequel les gens donnent leur avis. Exactement. Sur des films. Exactement. Mais c'est méta ou quoi? Non mais what the fuck, le quatrième mur, il est quoi, brisé? Non, arrête. Non, trop con, apparemment dire... en termes de notes, oh là là, j'ai Past Lives. Donc... Ah oui, que j'ai été voir sous tes bons conseils. Voilà, j'ai bien aimé. Et que j'ai bien aimé. Ah ouais, alors, dire, c'est film indé, ça. Exactement. Ouais. Tu peux raconter peut-être un petit peu façon, l'histoire c'est dans le top en deux. De deux. Pierre, c'est un film indé de toute façon. Deux amis en Corée oui. qui se séparent, un ami femme, un ami homme. Gars. Et ils sont tout jeunes à ce moment-là. Tout jeunes, des enfants. Et ouais. puis, bah, il y a la fille qui doit partir aux États-Unis suivre. Non, au Canada, Canada pardon. Sa famille. Et on le retrouve 15 années plus tard. Avec ce qui, au fond d'eux, quoi. Ouais, disent, est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une petite histoire? La La Land, mais en bien, quoi. Voilà. Et, oh là là, il faut toujours qu'il dise du mal. Je rigole. Le mec toxique, tu peux pas faire un compliment sans dire du mal. Homme soja que t'es, là. Ultime. Non, sur TikTok, homme soja ultime. Ah, pardon, excuse-moi. Ce que j'avais dit, c'est je suis le substrat le plus pur et l'essence même. Vraiment à tofu choyeux. Voilà, à mélanger avec vos arômes de CBD, je sais pas, je suis vraiment l'essence même. La marque La Vie, c'est toi. Exactement. Non non. Ouais. Non mais c'est très touchant et ce que j'aime bien, c'est que ça va pas dans le truc passion. Et je trouve ça juste c'est et très ça pudique. S'engueule pas. Ouais. Mais pas forcément pudique parce que ça verbalise des trucs vraiment concrets. Plus jamais tu me contredis, t'es malade ou quoi. C'est vrai, t'as fait deux films. Vous engueulez pas devant moi en fait. Non mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, tout se vaut et ça hurle pas. Non, c'est bien. C'est trop doux et la photo est incroyable. Ouais, j'ai ouais, jamais c'est vu un beau des film. Noirs aussi beaux vraiment à l'image quoi. Il y a du grain. Un peu ouais. de grain quand même. Ouais. Les ISO là. Ouais. Je connais. Ok. Putain. Non, ouais, passe là, je continue ou pas? Ah, grave, vas-y. Oui. Oh, moi, j'ai. Va plus vite sur les autres films, mais. How to have sex. Ah, allez non, ça j'aurais bien besoin de le voir. Let's go. Pierre qui doit. Squat. How tu to veux have encore sex. Un commentaire, Adrien, peut-être? C'est vrai que t'as été très discret sur le fait de ta pratique sexuelle cette année. Oh, ça, il aime bien. Pardon, hein, nous, on parle, c'est pas ChatGPT qui parle à notre place, alors on se répète un peu, quoi. On se répète un peu, oui. Oh, mais je déconne, ça va, ouais, hein, non, c'est chill ici. De toute façon, c'est ambiance chill, là, depuis. Non, How to have sex qui. Hot Ones, c'est Can qui. Hot Ones sex. J'ai un piment dans la chatte. Oh non. Oh là là, quelle mauvaise idée. J'ai une gentille myrtille sous le prépuce. Oh. Oh là là. Oh, l'apocalypse dans le cul. Non. Oh non! J'ai gentil myrtille dans le prépuce! L'été 82 qui fait mal! La coco bongo, non! Oh, mets-moi de la chantilly dans le cul! Oh, mais! Oh, vite, t'es plus soin! Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non. Gentil myrtille! On arrête la pub, voilà. On arrête l'humilité, si c'est non, mais je sais pas. J'ai le droit de me remettre en question quand même. Non mais c'est beau. Chantilly dans le cul, je me suis dit bon. Est-ce que t'es pas ce que tu détestes? Est-ce que tu vaux tellement mieux que ce que tu méprises? C'est ça que je me suis dit. Oh non, c'était bien, c'était bien Adrien. Bon, okay. Mais nous on t'encourage. Mais je crois que c'est une vraie bonne question et je crois que oui, on est devenu ce qu'on. Oui, on donnait des leçons à Bruno Robles. Mais non, ouais, c'est Bigard dirait ça, je dirais oh là là. Oh le lourd. Chantilly dans le cul. Voilà, c'est mon humour apparemment. Je sais pas quoi je prétends. Genre, non, mais quand même, moi, je suis assez pointu sur le mot. Non. Non. Je trouve ça super beau. En vrai, je trouve ça magnifique. Non, c'est un beau moment de podcast. C'est une vraie leçon de vie sur. Bah, non, vous croyez quoi? Je suis juste un homme. Ouais, c'est tout. D'un moment à l'autre, ouais, ça tous détruit le cul. Voilà, bon bah quoi, allez, merde. On peut perdre l'estime des gens qui tient rien. Hein. Qui tient un fil et puis bah. Je suis catalogué. T'as avec tes gros ciseaux là. Ouais, puis, allez, c'est. Oui, le mec qui fait chantilly dans le cul là, ouais. super drôle ce gars. Ouais. Allez. Oh. Mais tu régales les copains, c'est déjà ça. Voilà, donc bah, ouais, bon. Écoute, on fera jamais mieux. How to have sex et un dernier film que super. T'as adoré. Non, mais c'est trop bien. Ouais. Et ça parle de quoi, How to have sex? How to have sex, c'est juste sexe, le voyage initiatique de jeunes filles mineures qui vont en vacances. Et non, c'est juste, ça parle de l'injonction à pratiquer le sexe en tant que personne vierge. Ouais. Et, ça, je l'ai. Et la zone grise, au niveau du consentement. Et je pense que c'est très important, surtout quand. On est des garçons. Ouais. Et donc c'est très. C'est incroyable, c'est très touchant. Un peu les mêmes setups de vacances, un peu comme After Sun qu'on a vu. Ça m'a After Sun, super, plus, super film aussi. Mais qui était, je crois, 2022, qui compte comme non, 2022. On en a rien à foutre. On va chercher ce film là. Merde. Faites ton top 3. Il est sorti le 1er février 2023. Ah bon, bah ça va alors. Vu qu'on va pas en parler, cherchons toutes les infos. Vu qu'on ne va pas parler de ce film. Cherchons vraiment la date de naissance du réel. De la réal, on est où? C'est la réal. Ouais, s'il te plaît. Et que féminin. Et après, Anatomie d'une chute, j'ai adoré. Ah bah quoi oui. Pardon, quoi? Anatomie d'une chute, j'ai adoré. pardon. Wow. Moi, c'est mon d'or. Moi, c'est mon préféré. Ouais, c'est la comme ça. La quand il est comme ça, c'est mon préféré. Non. Et Bozy the Fred. J'ai Bozy the Fred et Vermine en 5. Oh, il a mis Vermine en 5, mais il est adorable ce mec. Voilà. Génial. Et Bozy the Fred en 4, que tout le monde a détesté, mais j'ai adoré. Bah, oh, moi j'ai plutôt bien aimé. Je me suis fait chier un peu au milieu, mais oui, sinon j'ai trouvé ça. Forêt, que le début est trop bien. C'est, ouais. Le début est tellement chambé. C'est ce qu'on m'a dit. Bah, la première moitié est super et la deuxième moitié. Bah, il dure 3 heures déjà, donc c'est dur de tenir. C'est dur de tenir. Ah oui, plus 3 heures. Je regarderai que la première moitié. Bah, franchement, jusqu'à. Il y a une forêt, tu peux. Voilà. C'est vraiment super. Et ça revient à la fin. C'est ça. Il y a un hommage à Starship Troopers. Incroyable. C'est vrai. Oh, wow. Top ça. Pour les petits. Skynet. Alors, j'ai un jeu pour vous. Oh oui. Ça me régale. Le jeu s'appelle Est-ce qu'ils ont chanté Noël ? Je vais vous donner des artistes. Bien sûr. Je vais vous donner des artistes. Il faut savoir s'ils ont fait une chanson de Noël ou pas. Regarde Adrien, Après, on écoutera un petit extrait de la chanson ou on c'est écoute pas... à chaque fois un petit extrait de la chanson. Et attention, si ce n'est l'artiste n'a pas chanté Noël, j'ai peut-être préparé une petite chanson comme s'il l'avait fait. Non mais voilà. Regardez le visage d'Adrien, il s'illumine dès la bébé de Teletubbies comme l'année dernière. Mais là, c'est fou, on l'a réchauffé là. Mais pardon, les jeux, il n'y a que ça qui me fait vivre. Ouais, je comprends. Désolé. Ouais. Alors, on commence évidemment très facile. Johnny Hallyday. Alors. Bah. Parce qu'il y a le mec qui a la voix de Johnny qui a chanté. Alors. Faut savoir que ce jeu m'a été inspiré parce que dans notre groupe WhatsApp, on s'est échangé les chansons parce que Jean-Baptiste Guégan, bien c'est sûr, ça, l'imitateur. Alors il aime pas qu'on dise non, ça. Non, mec, tu imites. Oui, parce que moi j'ai vu un extrait là sur TikTok d'ailleurs où il est passé. Hein, où il va voir les gens dans leur maison. Ah non. Moi c'est il est génial celui-là. Ah non. Non mais c'est parce qu'il est passé à la France à un incroyable talent. Bien sûr, bah c'est comme ça qu'il s'est fait. Vraiment il parle, il fait bonjour. Je m'appelle Jean-Philippe, tu sais, il parle vraiment, il imite vraiment, c'est sûr qu'il parle pas comme ça, tu vois. Et les jeunes disent, alors c'est quoi ton talent? Il fait je pensais que c'était évident. Tu fais oui, non mais là t'es en train d'imiter. Enfin, quand tu chantes, je veux bien, mais en parlant, c'est ridicule. Fais pas genre t'es Johnny. Il dit, j'ai la chance d'avoir la voix de l'idole que j'adore. Oui, mais bah, tu l'imites. C'est pour ça. Bah, évidemment, tu l'imites à la perfection. Ah, mais bah, fais pas genre. Il aime pas qu'on dise qu'il est imitateur. Oui, il est pas imitateur. Et bah, je vais te dire. Imitateur, mon pote. Je t'invite à regarder le TikTok où il va visiter ses fans. Oh. Et pour donner son album de Noël. Il a des fans donc. Et il faut savoir que. Bien sûr. Et il faut savoir que le titre de son album de Noël, c'est Toutes les larmes sèchent un jour. Édition Noël. C'est Noël. Bizarre, en fait. Tellement glauque. Noël. Toutes les larmes sèchent un jour. Bon. Après mon Noël apparemment, mais oui. Et donc voilà, il va visiter les gens et c'est l'heure parce qu'il arrive. Alors, wow. Un truc qui est drôle, c'est que quand j'étais, je pense, en quatrième, je faisais une blague qui faisait mourir de rire mon cercle d'amis et c'était de chanter Vive le vent avec la voix de Johnny. Putain, là. Je faisais oh, vive le vent! Et ils étaient morts de rire. Et du coup, je leur ai. Enfin, ceux que je connais encore, je leur ai envoyé ça en disant bah, ça y est, il y a un gars qui fait ça maintenant. Sachant que, on peut le dire, ce gars était dans ta classe. Il t'a volé le concept. C'est ça. T'étais à l'école avec Jean-Baptiste Guégan. En Bretagne. Alors, non, je vous demande pas Jean-Baptiste Guégan. C'est un Breton. De Côte d'Armor. Non, mais ça aurait pu être un piège. Non, mais je pense qu'en vrai, Johnny, il a fait dans ses années folles, les années 70 ou je sais pas quoi, 80, je suis sûr qu'il a fait comme les Ricard. Il a fait un album. Tous les beaux joujoux. Le mot joujou dit à la voix de Johnny, c'est peut-être le meilleur truc. Oui. Oh, les beaux joujoux. Donc, votre réponse. Ouais, il a chanté Noël. Il a chanté Noël. Eh bien, il a chanté Noël, mais. Malheureusement, pas aux années 70 comme tu disais, assez récemment, puisque c'était la chanson dédiée à sa fille adoptive, avec la chanson Tu es mon plus beau Noël. Oh, tu es mon plus beau Noël. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie. Bien sûr. Voilà. Mais attends, c'est pas forcément l'air, ça me rappelle une autre chanson. Je n'ai plus rien. Non, je n'ai plus rien à te donner. J'arrête un jour. Tu connais pas cette chanson? Je connais pas. Je sais pas si c'est Johnny. Non, je crois pas. Bah, t'as l'oreille absolue. Attends, je te fais un truc. C'est quoi la note? C'est un I. Voilà. T'as fait I. C'est ça l'oreille absolue. La l'oreille absolue des lettres. Mais il l'a. Trop fort, mec. Est-ce que Trust, le groupe Trust, a fait une chanson de Noël? Oui. Et un petit papa Noël, t'es enculé. Attends, je te fous un coup de latte dans les couilles. Attends, c'est un truc comme ça. C'est pas ça, Trust, c'est ce que bah tu non, fais. Ouais. Si. Bon, c'est antisocial, machin. Oui, c'est vrai. C'est Thomas VDB qui avait une très bonne vanne. Il dit que quand le chanteur de Trust chante, on dirait qu'il t'engueule. Ah oui, ils ont juste repris le Papa Noël. Papa Noël. En plus, je connaissais ce morceau. Est-ce que Eminem a fait une chanson de Noël ? Alors moi je vais dire oui parce que je sais incapable de rapper comme Eminem donc okay, je vois ce que tu veux dire. Oui. Une chanson où il reprendrait le Grinch. Bien sûr, c'est sa posture un peu. Je suis top liner pour Eminem. Ah oui, avec le sample qui est terrifiante cette chanson. C'est fou que ce soit une chanson de Noël. C'est Marc Lavoine qui nous fait un truc. Yo yo yo, c'est Eminem sur ce son. T'as pas été très sage cette année. Moi non plus, mais qu'à cela ne tienne, car je suis le rap god. La vie m'a pas fait cadeau à Noël. J'ai eu une mandarine. Alors vous me faites rigoler avec vos iPads. Je vois rouge quand je rappe. Je suis le réel Slim Shady. Scu. Scu. Je suis irascible dans mes lyrics. Je suis le Grinch ou quoi? Tu veux en avoir le cœur net? Très bien. Quand je dis je suis le Grinch, vous faites évert de rage. Je suis le Grinch. Évert de rage. Je suis le Grinch. Évert de rage. Je suis le Grinch. Ouais, ouais. Évert de rage. Tout à fait. Bien. Et donc non, ce n'était pas. Il a pas fait. Et je retire ce que j'ai dit. T'es parfaitement. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'était pas mal. Tu m'as eu. Tu m'as retourné comme une crêpe. Est-ce que Lynn Renault a fait une chanson de Noël? Moi, j'ai une réponse. Je m'en bats les couilles. Malheureusement. Ah oui, tu es. Ah oui, la moutarde te monte au nez en ce moment. Elle a chanté. C'est elle, ma cabane au Canada, non? Oui. Oui. Donc cabane au Canada. Il fait froid, Noël. Allez, elle a chanté Noël. Alors elle a chanté Noël. Je te vois pas imiter Lynn Renault. En fait, c'est surtout ça. Tu as l'intérêt. Mon petit Michel. Mon petit Michel. Mon petit Michel. Écoutez, j'étais avec Dany dans le taxi. C'est vrai. C'est Fanny Ardant, ça, non? Non, c'était Non, j'ai eu, parce que c'est une petite référence à un film. Peu, la belle course. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, elle a fait une chanson, mais. La belle course au jouet. La belle course au jouet. Mais c'est une chanson un peu particulière. Elle rappe. Que je m'en vais. Ouais. Elle rappe, c'est ça qui est très bien. Yo yo, Céline, Renaud. Alors, le concept de la chanson est assez surprenant. Ah. Parce que voilà, je n'ai pas mis gratos, Céline Renaud. Ah, tu m'étonnes. Elle imite par Noël. C'est Noël, et comme chaque année, Pierrot a des joujoux plein sa cheminée. Alors que son pote. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret. Aïe. À son nounours qu'il aime, il murmure. Il se fait frapper. Si tu savais. Il fait des soirées chemsex. Moi, j'ai vu petite maman. Hier soir, en train d'embrasser le Père Noël. Elle a vu sa maman embrasser le Père Noël. Bah c'est une reprise. Ah ouais? Oui, c'est I saw daddy, I saw mommy kissing Santa Claus. Ah putain, quelle culture. Bon, je connais pas l'air, mais c'est une reprise. D'accord. Très bien. Voilà. D'accord. C'est une chanson voilà où le maman a embrassé le Père Noël, voilà, bah why not. Maman tartouille le Père Noël. Elle lui a galoche. Elle lui a touché les boules de Noël ou quoi? Oh non. Et je vais poser cette question. Gentil dans le cul. Là, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est gratuit les podcasts. Hein. Ah bah là, attendez, une petite pub au début et à la fin. Gratuit, hein. On vous en met pas au milieu, on en met même pas au milieu nous. Ah ouais, hein, y a même pas de sponsor parce qu'on les, on propose plus. Les doigts boules de Noël. Les doigts boules de Noël. Bien est-ce sûr. Que Dick Rivers a fait une chanson de Noël? Il a dit ouais, mais le Père Noël rocker. Le Père Noël a des Santiags. Père Noël est descendu de sa Harley pour distribuer les cadeaux aux enfants. Guitare. Ils étaient très contents. Il est reparti dans un bruit de tonnerre. Pas si mal pour un pas, pas si mal, pas si mal. Mieux que la chantilly dans le cul. Il y a une fibre artistique quand même. On dira ce qu'on voudra. Fallait la sortir quand même là, en impro. Alors, c'est une chanson, mais le ton, l'histoire est un peu tristone. Ah, okay. Il dit mon père est mort à Noël. S'il te plaît. Ne bois pas trop pour Noël. Oh non. Je ne veux malheureusement, pas voir ça me touche en plein cœur. Pleurer. Je ne veux pas voir maman pleurer. Malheureusement. Allez tout le monde. Ne bois pas trop pour Noël. Sinon tu mourras dans quelques années. Maman pleurer. Ne te pisse pas dessus. Souviens-toi comme tu l'avais trouvée belle. Ah oui, maintenant, ouais, maintenant t'as dégueulé. Vous êtes divorcé à cause de ton alcoolisme. Dégueulasse. Et ton fils Adrien est très triste. Bah Dick, Dick. Bah alors qu'est-ce qui se passe, Dick? Il chantille dans le cul. Heureusement. L'humour va le sauver. Je vois le père d'Adrien dans le ciel à l'évocation de chantilly dans le cul. Il fait Fiston, ah ouais. Une bouteille de chantilly comme ça, genre. Tiens, mon bien fils. Joué, fiston. Voilà ton cadeau de Noël. Mon père parle comme Johnny, apparemment. Salut, mon fils. C'est Mathieu Méniel. Et prends cette bouteille de chantilly et la mets-la dans le cul. Allez, imaginez. Attention avec le consentement. Alors, c'est aussi une adaptation. Hein. C'était une chanson de John Denver qui s'appelle Please Daddy, Don't Get Drunk. Qui est Christmas. Encore plus les pieds dans le poids. Mais cela dit, je comprends l'impulsion. L'inspiration vient de quelque part. J'aurais aimé que mon père ne soit pas bourré à chaque Noël. Donc voilà. Voilà. Lady Gaga, est-ce qu'elle a fait une chanson de Noël? Ça, c'est à Florent qui veut se révéler là. Là, Lady c'est Gaga, Lady Gaga, Noël. Oh, non, je sais pas, je pensais incroyable. Je pensais que c'est ça que t'allais faire. Bah, peut-être c'est non, ça mais... que t'allais faire. Mais moi j'aurais bien vu, tu sais, elle a fait une chanson, un album jazz. Ah, c'est vrai qu'elle a fait un album jazz. Je connais Josie. Je connais bien Josie. Josie Baz. Avec le mec qui est mort là, donc je me dis peut-être. Le okay, mec Noël. Qui est mort là. Ouais. Aucun respect pour cette personne apparemment. J'ai pas le nom. Avicii. Non, non, c'était le vieux jazzman. Ouais, une vibe un peu. Souchon. Ah non. Non. Et les choubidous de Noël. Et bon, ben, pas non, quelle cheveux. Est votre réponse? Allez, non, c'est toi qui vas chanter. C'est moi qui vais chanter. Allez, moi je dis, allez, pour le jeu, je dis, elle a chanté Noël. Elle a chanté Noël. Oh. Elle a pas chanté Noël n'importe comment. Elle a fait le truc qui s'appelle My Christmas Tree, qui parle tout simplement de sa chatte. Allez. Ah. How to have sex ou quoi? Ah, je connais. J'adore baiser. Oh, c'est enlever ses vêtements pour baiser. Les c'est quand même plus pratique. Sinon, si tu sors juste ta bite par la braguette, ça peut la compresser. Attention. Allez, c'est reparti. Vous avez déjà coincé les couilles, la bite? Ah non, jamais. Non, dans jamais la fermeture éclair, ouais. Non. Toi, jamais. Oui. La peau des couilles, ouais. Aïe. La peau des couilles, la peau des couilles, c'était des couilles de pierre là-bas. Les boules de Noël. Non, c'est vraiment le truc comme ça. J'ai juste un petit comme ça et j'ai fait. Ah bah oui. Et c'est enfin non mais vraiment. Et elles sont toujours coincées à l'heure actuelle. Il n'a jamais changé de froc. Et sinon, oui, et peut-être mettre des sous-vêtements, sinon peut-être pourrait régler le problème. Mais j'avais des sous-vêtements. Comment t'as coincé ta peau comment des couilles? Comment t'as coincé ta peau des couilles dans la fermeture éclair? Ah comment j'ai fait ça? Mais non, t'étais ouais, en slip. Bah, ah t'es... ouais. Mais t'étais enfant. Mais j'ai ce souvenir. Ouais. Bon, tu t'avais pas de slop. Ouais. T'as ouais, remonté le froc, je pense. Ça ah, arrive ouais, des fois. Ouais. Oh là là. Ah, des fois. Quand même. Ah ouais. Mais lui, ça veut dire que j'avais pas de slipper, le man. Ouais, ouais. C'est fou que tu viennes d'avoir cette révélation. Mais oui. Ouais, bon, il revoit tout le film. Mais moi, j'ai c'est vraiment sens. Le souvenir oh, vraiment de le slipper, le man. Petit truc comme ça, mais j'ai réussi. Ah pas, bah bien sûr c'est pas comme Marie à tout prix tu évidemment. Vois. Évidemment. Mais ça a fait le petit. Et c'était vraiment une belle sensation. Ah ça me. J'ai eu beaucoup d'angoisse aux toilettes. Ah mais ah ouais. J'imagine. Non, mais et moi alors je chiais pas moi. Ah moi je fais alors c'est intéressant que tu dis ça. Je te jure. Oui, oui. Moi je faisais... toujours pas mais. Moi quand j'étais petit je faisais caca torse nu. Mais jusqu'à je mes 10 ans. Ah mais je connais quelqu'un comme ça. Je mais me mettais je pas torse citer, parce qu'on le connaît. Bah, on parce connaît qu'en bien. Plus c'est Pierre Ninet. Non pas du tout. Mais moi, ouais, jusqu'à mes 10-11 ans, hein, je me mettais torse nu pour faire caca. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Ouais, bah, si vous écoutez, si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un max de messages. Mais ça, c'est vrai qu'il y a toujours des postures, et je sais pas si vous avez déjà raconté, mais tu sais, souvent, tu vois les gens, qui, les enfants, des enfants, pas des gens là, qui mettent leurs pantalons au niveau des chevilles, ah et oui, qui relèvent leur t-shirt. Bien sûr. J'ai vu un mec de 50 ans le faire. Alors, à la station service. Soyez certains. Que, évidemment, dans les toilettes publiques, j'aime tenir, mais ouais. Chez moi, mon petit plaisir, okay. C'est de faire ça. Okay, d'accord. Voilà. Est-ce que tu bouges ton corps comme non, ça non, non, non, pas, non, non, non, mais. Non, mais ceci dit, quand j'étais étudiant, moi, je me travaillais beaucoup à poil chez moi. Enfin, j'avais les stores fermés. La nuit, je parle. Non, mais ça va. Tout va bon. Bien. Et c'était un peu plaisant d'aller pisser sans rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dans la salle de bain. Ah oui, sans et juste, tu, bah, si tu tiens ta teub, quoi, mais t'as rien à faire, quoi. Juste, tu. Bah, qu'est-ce que tu fais d'autre sinon? Non, mais de pas baisser ton pantalon, ah de oui, pas d'accord. Déboutonner un truc. Ah, le ouais. Simple plaisir d'aller dans des toilettes. Ouais, mais et tu d'uriner. Vas pas au bout, tu ouais. Vas pas au bout. Tiens pas ta teub. Là, tu fais rien. Oui, là, c'est quoi bien, ouais. Je vais le faire ce soir, je te rappelle pour te okay, donner le sens, la sensation de liberté. Envoie-moi une petite vidéo. Ouais, ah non, je débunk, je décrypte à la manière d'Hugo. Bah, ouais. J'espère qu'il m'invitera peut-être dimanche. Non, en fait, c'était vraiment. C'était pas au moins, on en a remonté. J'ai vraiment, bah, en fait, j'avais enlevé le slip et c'est juste au niveau de la fermeture. Ah oui, quand t'as remonté le truc comme ça. Ah oui, je vois. Je sais pas, j'ai dû faire un truc comme ça et ça se restait bloqué. Et là, voilà. Y a une espèce de décolleté de couilles dans ta braguette. Exactement. Ah, ça me tend, ça me tend. Parce que après, c'est vrai que moi, j'ai, ma bite, c'est un charpet, le chien, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Littéralement en accordéon. Ouais. Où je peux vraiment me coincer le bout du prépuce. Ouais. Ta bite, c'est un charpet. Moi, ma bite, c'est David Charvet, dites-vous. Ah ouais. Je vous jure, c'est vrai. Elle t'a pas laissé le temps. Elle chante. Très souvent. Alors, tout ça, ma meuf dit, tu n'as pas laissé le temps. Pardon. Ah, c'est pas David Charvet. C'est David Hallyday. Ah merde, David Charvet, c'est Should I Stay, Should I Leave. C'est, ouais, ou. Oh, j'allais dire une autre. Oui, mais oui. Oui, mais oui. C'est ça. Cela dit, ma meuf dit ça aussi. Oui, bon, je reste ou je bouge pas. Ça ne change pas grand chose à ce qui se passe actuellement. Donc. Qu'est-ce que je fais ? Non, t'inquiète. Il était très beau, David Charvet. Il était magnifique. Il a fait l'affaire de célébrité. Est-ce que Patrick Sébastien. Oh, mais doigts de boule de Noël dans ton cul. A fait. Une chanson de Noël et effectivement chanson de Noël un petit peu grave. Mais c'est toi qui vas la faire. C'est ah oui, c'est la mère Noël, un truc comme ça. Non, c'est pas genre le truc de la mère Noël. Putain, je suis quasiment sûr qu'il a fait un morceau la mère Noël quelque chose. Alors, mais je vais dire oui du coup. Tu dis oui, alors oui et non. Ah y a, oui, parce qu'effectivement en fait il a fait une chanson qui s'appelait Le Chanteur Masqué où il reprenait des chansons pour enfants en mettant un peu de paillard. Okay. Mais également non, parce qu'effectivement j'en ai une. Allez. Donc Y a donc en fait quand c'est vrai mais que t'as envie de le faire, on sait non là. Bah ouais, j'ai pas. Non mais ça me va, bah évidemment. Coucou tout le monde. Alors sur celle-là je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler parce qu'il paraît qu'il faut plus dire joyeux Noël. Hein, faut dire joyeuse fête, hein, pour pas choquer. Alors moi je vous le dis, joyeux Noël. Oh, parce que de toute façon la fête quand il y a Patrick, elle est toujours joyeuse. Hein. Ah, ouais. Allez musique. Allez c'est parti. Le Père Noël passe par la cheminée, comme papy quand il ramène mémé. Sa hotte est pleine de fabuleux cadeaux, mais ses couilles ce sont pas des grelots. Maman Noël n'aime plus trop ses câlins, t'es trop gros, t'es trop vieux, t'es malsain. Ce qu'elle aimerait découvrir au pied du sapin, c'est la bite bien bandée d'un lutin. Et sur le toit, la nuit de Noël, Santa Claus a une envie soudaine. Venez les enfants, donnez-vous la peine. Le Père Noël se fait enculer par un de ses rennes. Y'a rien de dégoûtant, c'est juste la nature. Il fait si froid dehors, montons la température. Un caribou qui sperme dans le cul d'un vieux barbu. Il n'existe rien de plus beau. Le nez de Rudolf est rouge comme le trou de balle du vieux. Et tant pis si ça choque les bobos. Allez, allez. Oh. Et voilà. Bon, en tout cas, merci. Putain. Parce que ça a totalement effacé la chantilly dans le cul. C'est vraiment là, je attends, suis. Attends, Adrien. Je suis un jazzman par rapport à. Attends, c'est un personnage. Non, j'aimerais remettre les choses en oui, oui, oui. T'as pris, évidemment, t'as pris aucun plaisir. Non, c'est. Bien sûr. C'est un personnage. C'est de la satire en fait. C'est, en fait, je parodie. Mais moi, oui, en tant que tel. Non, mais là, on est sur de la satire. Ah non, non, mais. Non, bien sûr. C'est le Gorafi pour moi. Bah, c'est très très beau. C'est très plus très ou moins beau. Le Gorafi. Merci beaucoup. Hein. Et j'en ai une dernière. Alors, celle-là, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, je sais pas. Bon, pardon. Oui, bah, tu l'as dit là. Michou a fait une chanson de Noël. Mais non, attends, je suis pas. Oui, mais à Michou, le youtubeur. À Michou, le youtubeur. Wesh les BG wesh de Noël. Les BG, non, les BG de Noël. Pas. BG Noël à tous. Fortnite de Noël. Top 1. Donnez-moi mieux. Un couteau, je me plante dans le foie. Non, bah oui, bah du coup, oui. Oui, oui, bah oui. Donc, ou alors tu nous as blousé. Tu nous as brain. Il nous a brain. T'as straf, mon pote. Tu nous as looté là. J'ai bien looté le cœur. On sait pas, nous, ah non. Cadmian, c'est toujours il pas. Va chanter, regarde-le. Yeah, ça se évidemment, prépare. Rien, putain. Wesh les bijis. Sur le mont Everest, y'a Inoxtag le sang. Il est pas finito, c'est même le goat de mon point de vue. Les amis, les gars, les refs et les frérots. Gros, je suis grave un baiser. Si tu me dis quoi, je dis quoi, Koubé. Dingue. Je suis choc-bar, choc-bar de baiser. Yo la team, ça dit quoi? La mif, c'est un flop, une vraie singerie. Oh, je suis choc-bar, choc-bar de baiser. Sur ma vie, c'est trop une dinguerie. Non, mais c'est quoi ce poulet? cette chanson de Zinzin, tu nous as pillé un classique, mec. C'est trop grave, quoi. Ouais. C'est trop grave. Ah ouais. Oh là là, il est, t'as vu, il a fait un petit acting. Il a fait un petit acting. Ah, j'ai joué la comédie. Eh ben, ce serait pas un nouvel arc? Arrêtez les youtubeurs de dire nouvel arc dès que vous faites un truc. Prenez pour qui en fait? Un nouvel arc, non. Une nouvelle vidéo, vraiment. Et enfin, non, tout simplement. Je suis allé faire des courses, un nouvel arc, non, ta gueule. Je suis dans mon repas piégé ERA là. J'avais oublié qu'il y en avait une dernière. Ah merde. Est-ce que. T'as l'air triste, mec. Non, mais parce que. C'est... Ouais. Oh, vive le vent. Est-ce que t'as piégé Non, est-ce que ma mère a fait une chanson de Noël pour les enfants pauvres dans le monde, que bon voilà, je vous ai jamais fait écouter, mais bon là c'est Noël donc c'est parti. Bon, ça, c'est, bon, oui, bien sûr. Alors elle l'a fait, mais c'est pas ma mère. C'est Noël, ma mère. J'ai failli le dire en plus. Et ben, avec cette moustache là. C'est un clip que je vous invite à regarder. Okay. Où il est dans une petite pistoche. Ah ouais. Enfin. Les enfants de par là ont la mémoire des rues. Ce qui branle, vraiment. Et surtout, il parle un peu de la misère du monde, okay, mais au bord d'une pistache. Au bord d'une piscine qui est, dans laquelle il est seul, donc privatisé. Ah bah, en peignoir, à la cour. Les enfants de par là de Noël, ma mère. Voilà. Mais, cela dit, il s'appelle Noël. Mais c'est ça, quand même. C'est ça. Ouais, ouais. On oublie, on est là comme ça. Mais bah, tout était scripté, quoi. Dans son arc de Noël. Noël là. Bah ouais. Chers amis, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Si tu attends la moindre reco, tu... Tu peux foutre les doigts dans l'œil. Non, t'as quelque chose, toi? Bah oui, enfin, j'avoue que j'avais pensé peut-être à une petite reco. Ah mais si, j'ai, bien sûr, j'ai. En fait, j'ai, totalement. Et on va commencer avec Pierrot. Alors, j'ai envie... Ah, il a failli manger un petit gâteau. Non, mais tu peux manger un petit gâteau. Une recommandation, quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Auditeuriste déjà. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Oh là là, pardon. J'avais passé 2023 tranquille. Moi, dans mon podcast, je fais ça, ok. C'est vrai, bah bien sûr. Je suis l'homme sujet, homme soja ultime, on le rappelle. Oui, oui. Non, mais en ce moment, j'ai. Enfin, nous, on est drôle. Chacun. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que Kian j'ai nous quand a même appelé, quelques doutes. Oui, ceci dit. Après cet épisode-là. Ouais, cet épisode vient de rabattre les cartes. Après ma petite remise en question, là. Sachant que bon, si je suis plus drôle, je me fous en l'air, malheureusement. Hein. C'est tout ce que j'ai. C'est vraiment tout ce que j'ai, donc. Hélas. Hélas, est-ce qu'ils peuvent te sponsor, sans déconner? J'adorerais que tu fasses des photos pour cette marque qui est quand même pas méga connue, qui te va très bien et tu serais. Mais c'est vrai ça, que ça, je leur achète des trucs. Ça leur ferait une publicité dingue plutôt que t'envoyer des sauces. Je pense pas que je leur. Non. Bon, pense mec. Pas. Pour moi, tu es l'incarnation du hélas. Pour moi, hélas est ton. Quand je dis hélas dans la vie, c'est toi pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est... ouais. Non, mais moi, le. Tu l'as crafté pour moi. Moi, c'est vraiment des... Ouais. Que des trucs qui m'intéressent pas qui essayent de faire des collabs avec moi. Hélas, ils ont quand même 102 000 follow ouais, sur Insta. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, après, il y a aussi un truc, une marque de skate un peu cool et tout. Ont-ils envie d'avoir une égérie et un putain. Mec dépressif de 43 ans? Franchement, mais oui. Mais ouais, c'est ironique. Là. C'est ironique. Alors, cela dit, ils ont fait une vidéo avec George Eddy. Okay. C'est un commentateur de basket américain. Fait, oh là là, le dieu à haute altitude là. Ah oui, et Mike Horn, bien sûr. Bien sûr, Mike Horn. Alors bon, là, je me dis, bon, bah, far, tu le bouffes. Bah, bouteille à la mer, hein, hélas. Hélas, mais franchement, sponsor mon moi, pote. Moi, je vous achète des trucs. Hein, ouais, donc sponsorisez mon pote en fait. Voilà. Ah, alors, et pardon, excuse-moi, après on sponsorise mon pote qui est un futur film de. C'est la suite. Sur Fred. J'ai reçu une propale de Walibi Belgique pour faire un épisode wow. chez eux. Je sais pas trop. Attention, hein. Moi, c'est... moi, j'ai dit tout peut être pris très au sérieux. Donc mais attention. Moi, parce qu'ils ont dit on n'est pas Sigoland, donc c'est qu'ils écoutent. Ils disent désolé, on n'est pas Sigoland, mais faire un épisode à Walibi Belgique. Tu mais... adores les kangourous en ce moment. Bah, c'est non, moi, j'adore les parcs d'attractions. Bah, moi. C'est ça, moi aussi. Donc why not? Non, faut qu'on fasse nos petites recherches. Je vais juste dire, c'est pas tombé dans l'oreille d'un chou. Oh que non, oh que non. Voilà. Pierrot. Cliché de moi-même une fois de plus, mais ça fait très longtemps et je crois que j'avais déjà parlé de How to John Wilson ici, qui était produit par Nathan Fiedler qui avait fait Nathan For You. Et là, c'est The Curse. Ah, il paraît que c'est super. Et The Curse, vraiment, bon, c'est un épisode tous les dimanches, je crois, donc parce que c'est disponible lundi, c'est sur Paramount Plus en de France. Banner, quasiment. Ah, cool. Ah, je savais pas que c'était dispo en France, trop bien. Il me semble que Paramount Plus, produit par 24 avec un des frères Safdie. Ouais. Il me semble que ça va quand je dis une connerie. Bon bref, c'est tout le cliché que je peux. Je crois que j'ai rien compris à ce que t'as dit. Donc moi j'ai compris. Avec un des frères Safdie, voilà. C'est ça que t'as pas compris. Non, avant, t'as dit produit par A24. Ah oui, d'accord. C'est l'ombre de moi-même un cliché. Non, mais franchement, les gens avec des casquettes à 24, c'est pas des gens énervants, quoi. De toute façon, je l'ai perdu. Moi, j'en ai une, moi. Moi oui, oui. Ah, bah, d'accord, pardon. C'est un peu énervant. Autant non, pour mais moi. Après, est-ce que je me trouve pas énervant à chaque seconde de ma vie? Bien sûr. Si, ton cul. Ah, si. Ça peut rassurer. Voilà. The Curse à Nathan Fielder. Donc déjà regardez tout ce que fait Nathan Fielder, c'est incroyable. Non, non. John Wilson, puisque saison 3 c'est un génie, je lui sousse les boules, ok. Non, non mais ça, c'est drôle. Et c'est juste en fait, c'est un peu gênant, alors je sais pas trop. Non mais c'est ça qui est énervant je pense, et ouais, qui est un peu clivant. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un truc de malaise de ma vie en fait. Ouais. Vraiment il maîtrise les codes là, et en termes d'acting on le voit un peu plus justement acté, parce qu'avant ouais, c'était un espèce de personnage. Il y a Emma Stone aussi, bah oui, qui joue même très bien. Donc que des gouttes en fait là-dedans. Ouais, et Mastu aussi. Et Mastu bien sûr. Qui joue Mastu Batman. Ouais. Ouais. Mais bon bref. Et donc c'est l'histoire de juste des gens qui veulent essayer de faire un show oui, télévisuel, à savoir on donne des maisons éco-friendly à des gens, et en fait on parle vraiment au-dessus de ça, de la gentrification. D'accord. Et c'est très drôle. Et enfin, dès le premier épisode, ça va à fond et c'est de pire en pire. Mais on est sur un truc réalité machin. Bah, il aime toujours jouer avec ces codes-là. C'était la spécialité de Nathan Fielder. Et donc, effectivement, des fois, t'as le prisme de la caméra Real TV, mais fatalement, c'est une fiction. Donc c'est vraiment fiction, mais il joue encore avec ces codes-là. Et tu vois aussi, il y a des acteurs ou des actrices qui sont vraiment des non professionnels. Ouais, c'est ça. Et mais c'est de la fiction ou pas? C'est fiction, oui. Ok, mais c'est juste qu'il y a des éléments de réalité. Okay, okay. Ouais. Oui, mais parce que lui, il a fait des trucs de pas de fiction c'est ce du tout. C'est ouais, c'est ça, qu'il joue toujours avec ça. Et d'ailleurs, sur YouTube, là, il vient de sortir le pilote de l'émission Flipanthropie. D'accord. Et que vous pouvez voir sur YouTube, c'est gratos. Et ça peut vous donner un peu l'eau à la bouche, mais c'est du pur génie de malaise. Et ouais, j'ai rarement vécu ça en temps d'émotion. Et je comprends qu'on puisse détester, mais pour moi, voilà. Ok, bah je vais regarder. The Curse, t'as réussi à me le vendre. Je vais regarder. J'y jetterai un œil. Oh non, non, mais ça va te faire mal. Quelle vase. Si tu jettes un œil. Oui. Ça va te faire mal. Petite fatigue. Là, tu m'étonnes. Entre mots. Ouais, ouais, ouais, mais. On arrive à la fin, Adrien. Non, et du coup, je voudrais voilà, faire ma reco. Je regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt, parce que c'est sorti déjà depuis un moment. C'est le média Origami. Ok. Qui est donc un média jeux vidéo, mais pas que. C'est majoritairement jeux vidéo, mais. C'est la tagline, non, même pas. Le mais pas que. C'est peut-être, pas la peut-être, peut-être, peut-être. Non, mais tu sais quoi, peut-être. Pas mal, pas mal. Donc c'est un média qui est principalement porté par Gotoz. Alors Gotoz, peut-être qu'il y a des gens qui voilà qui Gotha, le connaissent. Mais ok, vas-y. Ouais. Gotozga, oui. Gotozga. Il est chauve le mec. Il est chauve le mec. Et d'ailleurs, il m'avait demandé des conseils avant de. Oh. Je suis du coup influenceur. Ah ouais. Maintenant, sublime. Il m'avait dit ouais, tu mets des trucs sur ton crâne et tout parce que je vais me raser le crâne et tout. Je lui ai dit absolument rien. Oh là. C'est beau. Donc Gotoz que voilà que peut-être des gens avaient vu déjà sur Twitch beaucoup, etc. Donc journaliste jeux vidéo. Il y a Héloïse Linossier, Florian Velter, Sylvain Tastet et Kevin Ficurel, a.k.a. Moguri. Du Cozy Corner. Voilà, il y a aussi, on voit aussi souvent Médoc du Cozy Corner qui participe. Donc voilà, donc je dis média jeux vidéo parce que c'est sur YouTube, c'est sur Twitch, sans doute sur Cross TikTok. Cross-média en fait. Enfin, voilà. C'est cool parce que en fait moi j'ai eu une longue période dans ma vie où j'aimais beaucoup les jeux vidéo, enfin j'aime toujours les jeux vidéo, mais il y avait un côté genre je ne trouve pas de gens qui parlent de jeux vidéo avec qui je sens des atomes crochus. Okay. Pardon, j'ai une image dans ma tête. Okay. Non non, mais en vrai il y avait un peu un côté déjà de quoi très partagé. Ouais. Non mais un peu un côté genre les gens qui parlent de jeux vidéo c'est toujours un peu de droite, c'est toujours un peu avec des idées de merde, avec des blagues un peu nazes, un peu sexistes, un peu machin, enfin un peu toute la frange je vais dire toxique, mais en tout cas pas ouf de ce que peut générer les jeux vidéo. Et je me disais mais où y a pas de gens comme moi qui aiment les jeux vidéo en gros quoi. Alors après disclaimer, j'avais pas non plus digué à mort. Oui, évidemment, oui. Je suis sûr qu'il y avait plein de gens. C'était juste que ce qui me parvenait, en tout cas, ne me correspondait pas. Et justement, en découvrant des gens comme Gotoz, des gens comme le Cozy Corner, je me suis dit ah bah voilà, il y a des gens comme moi qui aiment les jeux vidéo, qui en parlent comme moi, qui dont je me sens proche au niveau des idées, etc. J'étais très content de découvrir ça. Et du coup, bah, maintenant, il y a carrément un média qui s'appelle Origami. Donc ils font des live Twitch très régulièrement, c'est avec des replays sur YouTube, etc. Et c'est très cool. Et quand on dit jeux vidéo mais pas que, c'est parce qu'il y a notamment par exemple une émission qui s'appelle Internet Exploreuse, qui parle de culture internet et qui est une émission 100% féminine. Et j'ai vu il y a pas très longtemps le premier épisode de cette émission, qui était très chouette, qui était en live sur Twitch et qui était très chouette. Et voilà, et je trouve que c'est le genre de projet qu'il faut encourager et que je consomme moi régulièrement, et je suis content que ça existe. Et donc du coup Origami, donc c'est Origa Twitch sur Twitch, et sinon vous cherchez Origami jeux vidéo, vous allez trouver les liens, etc. Magnifique. Et donc voilà, Origami, très jolie recommandation. Envoyez de la force, en fait. Ah bah là déjà t'en as envoyé une bonne copie. Ouais, mais encore plus. Ah, l'Union fait la force, j'ai envie de dire. Et ça, c'est tombé, mais vraiment pile dans mon oreille. Ça sera le leitmotiv de 2024, puisque c'est la fin 2023, donc on se retrouve. Adieu 2023. Tu nous en as fait baver. Tous ces trucs qui sont tombés dans nos oreilles. Remets de couche, pas. Normaliser le truc. Ah, mais tu normalises à fond. Pour moi, 2024, nouvel arc. Allez, c'est notre nouvel arc. Je pense qu'il faudra prendre soin de sa santé mentale et tout en 2024. Très important, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Toi, tu continues LaserDisc, pardon, GPT. Bah, on croise les doigts pour LaserDisc, ouais. Et puis, pardon, GPT, donc un podcast assez peu drôle. N'hésitez pas. Je t'ai taquiné. C'est trop grave, quoi. Je t'ai taquiné. Mon pire Laurent, il veut pas venir. Non, j'ai dit que je ne voulais pas. J'en ai marre de parler de moi. J'ai l'impression que je parle trop de moi. Et là, tu reviens pour tes films. Ben, bien sûr. Il faut que tu parles de toi. Je viendrai. Allez. Vous êtes dur avec moi parce que c'est vraiment des petits états d'âme que j'ai, que je partage pas trop. Mais oui, à un moment, je me suis auto-soulé. C'est des choses qui arrivent. Je me suis un peu auto-soulé. Tu te vois trop sur TikTok. Chantilly dans le cul, un peu. On appelle ça l'effet chantilly dans le cul. Ah oui, c'est ça. C'est comme l'effet stressante ou l'effet c'est l'effet chantilly dans le cul. Non, mais oui, mais je me suis un peu. Mais ça va mieux. Je suis en paix avec moi-même. Et en tout cas, tu es le bienvenu tous les 15 jours sur toutes les plateformes. Pardon, GPT. Ouais. Et ça sort le quand? Ça sort lundi? Celui-là, il sort le jour de Noël, le 25 décembre, le lundi 25 décembre. Donc, peut-être mercredi avec Yacine Bellous, peut-être. Surveiller avec notre émission en live. Ah oui, c'est vrai, que vous en faites en live. Des lives tous les mois. C'est cool ça. Non, on fait Charlie. Et tu kiffes? Tu kiffes de le faire en live? Ça apporte un truc. Moi. Est-ce que c'est juste autre chose ou est-ce que tu trouves ça mieux, moins bien? Bah là, pour le format, parce que Acast avait fait des soirées podium et tout, on partageait l'Apollo avec un autre podcast. C'est ça. Je vois clairement pas l'intérêt dans le format, parce que là c'était 40 minutes. Enfin, même j'étais. Oui, c'est trop court, ouais, bien sûr. Voilà. Et par contre, ce qu'on fait, donc au Charlie et sa bière de mal, donc quand on parle de live, on parle Charlie vraiment. Charlie et sa bière à deux balles. Ouais, j'ai marre. Parce que t'as dit Charlie et Lulu du Hit Machine. Ouais, ce qui a rien à voir. Donc je me suis mal exprimé. Ouais, tu t'es mal exprimé. Donc Charlie et chocolaterie. Ouais, bon, c'est non, mais donc on parle de live. Enfin, c'est vraiment 20 personnes, quoi. Mais c'est bien. C'est. Bien. Mais sauf que ça doit être cool en vrai des lives avec si peu de gens. Mais j'ai pensé à une époque. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vu que tout est généré avec l'IA, c'est qu'on prépare des interventions pour les gens du public. Ah, c'est bien. Donc, on avait fait avec Atel Fugazi, on avait fait une fausse comment on appelle ça, conférence de presse. D'accord. Donc, les gens, génial. Poser des questions et on essaye d'inclure les gens, donc que ce soit pas juste genre regardez-nous en live. Bon, genre ça c'est horrible, quoi. Genre dans une salle énorme comme l'Olympia, ça serait gênant de frère. On a 6 mois, enfin je veux dire à un moment. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est juste. Le succès, c'est le succès. Il y a plein de gens qui veulent le voir. Tu vas pas t'excuser de réussir, mon pote. Tu peux être tapis d'un moment à l'autre. Alors, s'il est tapis et que d'un coup il tombe dans ton oreille, voilà. Je suis Hulk, mais à la place d'un monstre vert, c'est tapis. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Guérir de cette rhinopharyngite à un moment donné. C'est dur depuis des mois et des mois. Toi, de la myopathie, du coup, j'imagine. On croise fort les doigts. Du coup, on est un peu au même niveau là. Ouais, enfin, pareil, toi, maintenant. Moi, hein. Non, ça. Écoute, que les gens voient Nous les Leroy et disent: attends, trop marrant ce mec, je vais le faire tourner dans tous les films. Mais peut-être pas tous marrant, les films, mec. Mais. Quelques-uns. Mais déjà, faut le dire, on va à l'Alpe d'Huez. On va à l'Alpe d'Huez. C'est incroyable. Ouais, si vous êtes du côté de l'Alpe d'Huez, on y sera avec Adrien. Le film, il est diffusé le mardi. Comment ça, si vous êtes. Non, ne venez pas. Enfin, quoi? Bah venez voir le film. Ah oui, venez voir le film. Ah oui, non, il y a pas de podcast, c'est rien. Non non, mais on va présenter le film en compétition. Bon, après tout ce qui est compétition, moi bon, je sais pas, je fais pas ça pour ça, d'accord. Si, si, mais sûr, par contre, sûr. Venez ça le voir, vous allez être un des tout premiers publics à voir le film et Adrien va voir le film avec le public, il y aura d'autres invités aussi et je tenais cool. à dire que oui, j'ai dit que Chasse une des meilleures scènes, mais ouais. même si on m'a gâché la scène d'Adrien, elle est juste incroyable. Imaginez. Survendez pas. Parce qu'après les gens vont s'attendre à un truc dingue. Et ils vont voir et faire bon, ah ouf, ouais, on bien que la chantilly dans le cul, on dirait. Ouais, bah, malheureusement, ça je peux vous le dire tout de suite. Hein. Ouais. Là, heureusement, il me reste encore un peu de post-prod pour rajouter cet audio à un moment non, du mais film. En vrai, peut-être pour les gens du Floodcast qui me connaissent bien, ça va peut-être pas être genre. Enfin, la scène elle est trop cool, oui. mais ils vont peut-être. Oui, oui, bah il est marrant. Enfin, ils sont marrants parce que c'est nous deux. Ouais. Mais en fait, j'espère juste que déjà que ton film va marcher. Déjà, pour toi en priorité. C'est gentil. Et si, bon, voilà, par ricochet, des gens peuvent se rendre compte que je suis comédien. Non, mais moi, j'ai été invité à un festival et qu'ils ont écrit une bio et qu'ils ont pas mis que j'étais ni comédien ni. Festival de cinéma, hein. Oui. Ils m'ont invité pour faire partie du jury. C'est pas l'Alpe d'Huez, hein, bien sûr. Dans la bio qu'ils ont écrite, ils n'ont pas mis que j'étais acteur ni scénariste. Mais il a fait top 1 sur Fortnite. Oui, c'est mais très bizarre. Voilà, ouais, sûr. Ils ont mis que j'avais été chroniqueur dans le podcast de Thomas BDB. Je te ça date un peu. Ouais. D'autres trucs existent dans ma vie, genre mon métier par exemple. Voilà. Bonne année! Allez, bisous tout le monde, ciao! On souhaite bye. Tout le bonheur du monde! La coco dingo sur mon clito. Si j'avais su, je me serais abstenue. Gentil merci dans mon prépuce. C'est une vraie idée farfelue. Été 82 dans mon anus. Il me faut de la chantilly. Dans le cul, chantilly. Dans le cul. Chantilly, dans le cul. Du flow de cast. Pardon.